Non, je sais qui parle. Fait que, ouais, c'est de qui qu'il parle? Je sais pas son nom, mais je sais quel... Il est méchant. Le méchant actuel, ou... Ouais. OK. Ben, c'est convaincu. Dans la saison courante. Actuel, lui, là? Ouais. Non, le gars de stagiaire, je l'écoute pas, l'émission, tout ça, je sais qui veut dire. Grant Ward. Fait que, sur ce, ben, bienvenue au Geek Collectif. Donc, mardi 23 mars, mercredi le 23 mars, d'habitude on enregistre les mardis d'habitude, fait que mercredi 23 mars 2016, bienvenue à cet épisode du Geek Collectif, où on va vous entretenir ce soir sur la réalité virtuelle pour une deuxième fois. Jean-Luc, on s'est pas vu depuis 2 ans. Ça fait longtemps, hein? J'ai regardé la liste, là, puis j'ai fait comme 2014. Fuck, me semble, ça fait là 2 semaines. Fin 2014. C'était. Décembre 2014. Ça fait un bout. Comment ça va, Jean-Luc? Très bien, vous autres. Ça va très bien. Toi, Milton? Très bien. Toi, très Eric? Bien. Excellent. Bon. Bon, merci d'avoir cassé cette chaîne interminable. De bien? De bien, oui. Ben, quand ça va très bien, ça va très bien. OK, moi, ça va excellent. Bon, ben, parfait. Jean-Luc, merci de t'être joint à nous. Mais ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Ben, écoute, t'es pas mal notre référence en VR. Puis, en plus, t'es un average good guy. T'es un gars qui connaît bien les affaires, le fun. Puis, t'es toujours plaisant à voir autour du micro dans le collectif aussi. Fait que... C'est gentil. Écoute, c'était du N égal 1 de t'avoir avec nous ce soir. Milter? Oui? Ça fait longtemps que je t'ai pas entendu te gratter à la barbe dans le pop filter. Tu entends ça? Ouais. C'est pas peu? Live, là, je prends une gageure, mais il y a un paquet de nos auditeurs qui viennent de se gratter à quelque part en entendant le bruit. En fait, comme, fuck, faut que je me gratte. Tu l'écoutes, il y a peut-être d'autres qui ont eu des sensations. Ah! Autre. Donc, l'épisode 74 ou 75, là, à cause du Laptop Gate, on a comme perdu le compte un peu, avec des fichiers audio qu'on a perdu aussi. Mais de retour en force ce soir. Guys, avant qu'on parle de VR... On a la tradition de faire le tour de la table et d'aller parler de nos actualités. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de bon avec vous autres ces temps-ci? Éric, tu commences ou moi? Oh, vas-y. Moi, OK. Ouais. Bon, moi, ces temps-ci, je joue à un merveilleux jeu qui s'appelle Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Oh! Je l'ai pogné un peu... oui, je vais dire pour moi, principalement pour mon fils de 5 ans... qui c'est son jeu préféré, il torche vraiment, il est rendu genre level 157 si je me trompe pas. Attends, level 157 c'est combien hein? 3 ben non, il y en a 6660 techniquement. Attends, 6660. Ben c'est parce que tu montes de rank, c'est ça que je veux dire par level, là, okay. Tu montes de rank à chaque fois que tu pognes un level avec un zombie. Mais t'as 14 zombies, puis chaque zombie, ils ont environ 7 variations. Puis dans celui-là, comparé au 1, dans le 1, tu gagnais des levels qui étaient un level comme de ta classe, qui est, quand je dis la classe, ton scientist ou ton shooter ou quelque chose de même, ouais. Mais ta variation aussi était, fait que tu prenais le fire, ice, électrique, peu importe, il était tout le level que tu avais. Tandis que dans celui-là, chaque variation a son level, puis chaque variation a... l'équivalent de 60 levels, si je me trompe pas, parce que chaque 10 levels, tu peux leur donner une promotion, un peu comme un à Call of Duty, là, un prestige mode de chaque classe. Fait que, techniquement, tu peux monter de 60 levels par bonhomme, il y a 14 bonhommes, fois environ 7. Tu viens de me faire vivre le moment où je me suis racheté un Pokémon au 3DS d'une couple d'années, là. Puis j'ai pas joué au Pokémon depuis le Game Boy, là. Ouais. Puis là, maintenant, je comprenais rien, puis j'étais dans un magasin, puis un petit gars, il me dit, ben non, écoute, c'est super simple, tu pognes ton Pokémon, puis là, pour le faire évoluer, t'es... Oh, ouais, t'appliques une pierre, comme dans le temps. Mais non, Aster, tu le fais coucher avec l'autre Pokémon, tu l'échanges à un trainer, puis là, lui, t'en redonnes un autre, puis là, il va migrer, mais là, tu juste la une nuit, rush, puis tu entre l'échanges. 4 heures de tel... Hey, man. Fait que 6600... Ouais, c'est mais bon, jeu-là? C'est écœurant, sérieux, là, c'est un bon Battlefield-style shooter. Sauf que y a pas de camper, y a pas de, tu sais, c'est un territory all in exemple où tu sais y a des modes de team deathmatch naturellement, y a des eux autres qui appellent gnome battle ou quelque chose de même, faut que tu voles un gnome puis que t'ailles le planter dans le jardin de l'autre, mais le gnome il tient une bombe, tu sais, fait que c'est tu défends la bombe après, tu vas placer, tu sais, c'est des cool, c'est des plein de modes de jeu qu'on connaît bien, les zombies. Sont, ben, les zombies pis les plantes, là, les personnages sont vraiment drôles. Qu'est-ce qui est vraiment changement dans celui-là comparé au 1? C'est que c'est plus des menus interminables que tu te promènes pis que tu pars ta game. C'est un hub world. Ah, fait que tu te promènes. Tu te promènes, il y a des missions dans le hub world, il y a un first, c'est pas first person, un single player mode. Fait que de chaque bord du story mode de zombie et du story mode de plantes, il y a plein d'affaires à débloquer, à découvrir. En plein milieu, c'est comme, la map du hub world, c'est d'un bord t'as les plantes, un bord t'as les zombies, tu peux switcher dans le même hub world d'équipe comme tu veux en une seconde. Puis dans le milieu, c'est comme la zone grise, tu sais, c'est incontesté. Fait que t'as constamment des petits zombies cheap, là, t'sais, pas des players, qui s'en vont dans le milieu, puis des plantes qui s'en vont se battre tout seul. Fait que toi, tu te promènes, puis il y a comme une eternal fight dans le milieu. Fait que toi, tu peux juste en mettre encore plus, puis semer la merde, aller dans le côté de l'autre, puis il y a des boss qui sortent. Fait que les UI... engineers qui ont travaillé sur ce jeu-là, dans le fond, ils sont gâtés solides. Oui, parce qu'ils puis ils savent, ils écoutent les fans, je pense, ils aiment ça en donner. Ils ont dit que tous les DLC vont être gratis encore une fois, comme le 1, ils ont dit, nous autres, on s'en fout. Ils ont fait un loyalty gift, si on peut dire, quand que tu te log in, comme moi je m'ai log in dans le 2, ils m'ont donné tous nos characters du 1. Oh. Pas les levels, naturellement, mais ils nous les ont tous unlockés tout de suite. Puis ils ont fait comme, ah, toi, t'étais... rank 112 dans le premier jeu, ben vu que t'es en haut de 100, ben on te donne tout 3-4 paquets de collants, puis tout de suite ils partent. J'ai acheté en plus le Deluxe Edition qui était 10$ de plus, fait que mon gars il a eu un imp de plus, le bébé comme il l'appelle, là, mais c'est un zombie imp, là, un nain bizarre. Puis ouais, tu l'as eu avec ma version. Puis, fait que tu l'as acheté au PS4. Ouais, ben oui. Non, au Xbox One. Xbox, pour Game Sherry avec Eric. Fait que je peux jouer avec Eric en plus. Pas pour te couper, mais en parlant de ton Hub World, là, j'ai même pas eu la chance de jouer avec Milter encore. Il joue avec mon gars. Puis j'ai sûrement croisé ton gars. Mais j'étais en train de jouer le jeu à un moment donné. Milter m'a envoyé un texte. Il dit, ouais, il faut qu'on joue ensemble. Faut que je te tue dans le Hub World pour un achievement. J'ai aucune idée de quoi qu'il parle. Je vais dans le Hub World. Puis là, t'es en train de jouer le jeu. Le jeu est écœurant, comme il en parle, là, c'est vraiment le fun comme jeu, puis il est beau, puis tout est écœurant. Mais dans le Hub World, quand tu vas dans le milieu, tu peux te battre contre wave après wave de bonhomme. Fait que le milieu, c'est Gears of War. Genre, un peu, ouais. Puis les waves, ils deviennent plus forts, Mais l'affaire que je savais pas, moi, c'est que tes hosties d'amis peuvent rentrer dans ton hostie d'Hub World, puis être sur la wave des zombies. Fait que si moi, j'étais une plante en train de me battre avec wave après wave de zombies, puis là, d'un coup, je vois un hostie de petit imp que je comprends pas trop qui vient vers moi, puis qui court vers moi, puis que d'un coup, il commence à spinner des bullets alentour, puis je me fais tuer par un super dude que je savais pas, puis là, après ça, plus tard, je suis comme, fuck, qu'est-ce qui est arrivé là? Puis là, j'ai mis le truc, mon texte, tant que je t'ai tué, j'ai eu l'achievement. J'ai juste rentré 10 secondes, tout comme Ricky là, boum. Mais ça, le Hub World, ça, c'est quelque chose que je trouve bien cool de ce jeu-là, c'est avec le stalemate parfait entre les zombies puis les plantes. Ah, c'est une ligne droite, là, comme vraiment, d'un bord c'est mauve, l'autre bord c'est vert. Puis... Mais l'évolution, justement, de ces menus-là, moi, je trouve ça tellement cool, là, tu sais, puis ça a l'air con, mais le jeu de l'heure, un peu, que tout le monde parle, Division aussi, ouais. Tu sais, le UI dedans, là, je la trouvais tellement minimaliste, puis bien rendu. C'est cool, justement, où c'est rendu, tu sais, tu parles à des gens, puis leur job à eux autres, c'est de prendre le truc qui est le moins facile à comprendre, tu sais, comment je me rends dans les options, comment je me rends à telle place, puis c'est rendu tellement... Le monde en parle, puis c'est rendu, tu sais, « Hey, t'as-tu vu l'interface dans ce jeu-là, comment qu'elle était cool? » Fait que eux autres, tu sais, c'est... Je trouve ça tellement le fun qu'ils ont tellement peaufiné le reste, parce que avant, on parlait beaucoup « Le son est malade! » Les graphiques sont malades. Le gameplay est malade, Master. On est capable de dire même les menus sont pour l'immersion, malades, pis les menus, comment qu'ils t'es présentent pas nécessairement comme un menu, là. Tu sais, le jeu, là, il y a Zéro menu, je pense. Ah, c'est pop cool, là, ça. Dans la game, là, pis c'est boop! Pis là, y a un zombie qui te parle, ou y a une plante qui te parle. Ouais, il parle tout croche, le gars. Mais là, il est mort, en plus, Dave, le scientifique, là. Dave, il est mort. Mais il est pas mort, mais il est comme un robot. Le gars de la casserole sans tête. Ouais, mais ouais, il est comme un robot, il y a des versions. Ouais, mais il y a 3000.1, un moment donné, tu sais, c'est comme ils ont tout. Hey, spoilers! Mais, ouais, ouais. Mais Dave, il est pas mort, il est caché. Mais c'est ça, c'est comme si c'est un robot qui te parle, tu sais. Puis, mais en tout cas, le jeu, il est vraiment cool, il est beau. C'est comme on a dit, pour un cartoon universe, l'univers Plants vs. Zombies, je le trouve vraiment drôle. Frostbite, l'engin, ouais, là, il est écœurant. Il est beau puis là-dessus. C'est, puis, c'est juste une autre preuve que EA, c'est la meilleure compagnie de jeux vidéo qui existe à la planète. Puis, pour mobile, Frostbite, en plus. Puis il donne tout. Crétis, comment tu peux détester EA. Cette compagnie-là? C'est... Hey, voter pire que Monsanto sur l'Internet. C'est qui a tort? L'Internet? Ou Monsanto? Ou Monsanto. Mais tout ça pour dire que... Mon gars va atteindre level 313 bientôt. À 313, tu débloques un Unicorn Chomper. Pis c'est son seul but présentement. Il veut la licorne. Il veut la licorne Chomper parce que c'est sa plante préférée. Fait que ton kid, c'est ton esclave. Il farm le jeu pour moi. J'ai juste hâte qu'il puisse jouer à Division. Là, demander pour son propre compte. Hein. Tu sais, tout le monde qui dit que les jeux vidéo, là, c'est juste la plaie de l'existence. Ça prend rien aux enfants. Est-ce que Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 est en train d'apprendre la persévérance à ton enfant? Mon gars, il apprend bien des affaires à cause des jeux vidéo, je dirais, là. Puis il est rendu qu'il sait quasiment aller, puis il connaît tous les noms de toutes, puis tu sais, ces affaires-là, là, il est bon, là. Il sait aussi dénigrer ses camarades. Ouais, ben il s'en fout, il a pas besoin d'amis. Et voilà. Mais non, il a bien des amis, puis tout, il est super très bien développé, si on peut dire. Puis en plus, ce que je trouve drôle, c'est que il y a du monde qui jouait, parce que c'est un hub world un peu, comme tu dis, à The Division, là. N'importe qui rentre dans ta game, tu sais, n'importe qui est là, pis tout. Fait que là, il y a du monde, ils rentrent dans ma game, pis là, ils se mettent à jouer avec moi, pis là, ils font une game. Mon gars rentre dans le game, ben, catcher le menu online. Fait que quand il voit la planète, avec un chiffre en haut, il fait comme, oh, papa, il y a 3 amis qui sont là. Il rentre dans leur game, il tue, il danse à côté pour les teaser. Pis il dit, papa, j'ai tué ton ami, tu sais, genre, ou quoi de même, il me le dit. Fait que là, les autres m'écrivent comme, what the fuck? J'ai dit, ah, mon gars de 5 ans qui te torche. Hein, sur une échelle de 0 à 5, Louis XIX, le roi des ondes, tu donnes combien Louis XIX, le roi des ondes? Je donnerais, personnellement, 4.5 Louis XIX, le roi des ondes, pour ce jeu. Ça vaut vraiment la peine, c'est drôle, bon shooter. Si t'as des kids à la maison, c'est pas violent, rien, fait qu'ils vont juste arriver à 10 ans, ils vont jouer à Call of Duty en cachette, puis crier qu'ils ont fourré ta mère... comme des professionnels. Parce que avant l'enregistrement, dans le fond, Jean-Luc, c'est que la discussion qu'on avait, c'est qu'il y a une nouvelle mode maintenant, c'est les « I fucked your mom suicide bombers » dans les jeux. Là. Fait que c'est le petit kid de 11 ans qui rentre dans le temps criant « I fucked your mom! » Puis il se fait péter dans le temps. Il se fait péter à gueule. Fait que tu continues ta game comme si de rien n'était après. Fait que... Cool, ben t'ignore. Ouais, mais c'est vraiment bon. Je suis content de pas jouer multiplayer. Acheter ça. À part si t'es dans le hub world de Plants vs. Zombies. Ouais. Non, mais ça, c'est ça. C'est ouais, c'est pas ça. S'est passé de bon, toi? On dirait que c'est un petit bout que j'ai manqué le dernier show, fait que j'étais pas là pour le qui dernier était show. Qui était le 2 mois. Okay. C'est ça. Mais c'est correct, on se retrape, on en revient à nos habitudes. Tout commence à revenir en forme. Moi, il y avait je voulais d'un dans mes nouvelles faire un shout-out du fond de mon cœur à Dominique Bourret puis sa gang, Martin puis Élie, que finalement le bar Arcade Montréal s'en vient. Ça va être ouvert pour des amis proches et les médias le 29. C'est pas le 31? Le 31. Oui. Puis après ça, l'ouverture officielle le 1er dans le quartier latin, dans l'ancien Café K.O. en plus. Là, c'était ouais. Shout-out à Ticuir. Puis ouais, c'est ça, shout-out à Ticuir, parce qu'avant ça, c'était l'exit aussi qui a pas duré trop longtemps. Mais c'est ça finalement leur mais c'est vrai. Ouais, oh. Quand même. Mais finalement ça a passé, je sais pas si les gens ils savent les nouvelles de comment ce que ça qui ont finalement pogné leur tour, je m'en rappelle pas, je pense même pas qu'on en a parlé. Non, je crois pas. Mais c'est parce que tu sais pendant longtemps c'était le drame, il essaie de parler avec le maire, de savoir comment est-ce qu'il était pour avoir un barcade légal parce que il pouvait avoir de l'alcool proche d'une machine, etc., des affaires comme ça. À 25 mètres, tu peux pas avoir ton bar proche des arcades. Puis finalement, avec la pression des médias sociaux, avec la pression de tout ça, ils ont finalement eu un meeting avec pas juste le clerk de la ville. Parce que c'est ça ce qui arrive, hein, quand tu vas voir tu vas demander des licences, tu vas voir un clerk, eux autres sont comme, ah, ok, bar, amusement, jeux vidéo, non, ça passe pas. Ils font juste dire non. Finalement, ils ont eu de quoi avec quelqu'un qui était plus élevé. Puis pendant le meeting, l'histoire est quand même assez drôle, hein, que je l'ai entendu. Rob Ford est rentré. Mais rest in peace, Rob Ford. Mais non, ils ont juste appris que finalement, la madame regarde leur affaire, puis ils ont appris que tant qu'ils n'ont pas d'argent dans les machines, ça compte pas. Fait que les arcades vont être gratuites à Arcade Montréal. Ben, ils vont avoir un cover de 5$. Comme d'habitude, là. Comme d'habitude. Il n'y a pas d'argent dedans, mais machine. Tu payes pas ton 25 sous par machine. Bon. Fait que c'est ça. Puis ça l'ouvre officiellement. Il va y avoir les premières soirées. On va avoir bien des affaires assez écœurantes qui vont se passer là-bas. Je vais sûrement participer dans des tournois comme animateur. C'est une couple de fois que je fais ça maintenant. On va pouvoir aller te voir justement faire ce que tu fais de mieux. Absolument. Te pacter en criant après les gens. Exactement. Exactement. Fait que là, est-ce que c'est une invitation pour le 1er avril ou en fait le podcast va déjà être sorti? Non, mais c'est ça. Ça se peut que c'est plus tard. Non, je pense que le podcast devrait être sorti. Le laptop fuck plus. Fait que tu sais. Et voilà. On a banni la bière. Absolument. Si ça sort avant, très bon point. C'est une invitation pour le 1er avril. Moi, j'arrive là après. J'arrive le 1er avril, mais je m'en vais à la game des Expos. Ah, mais t'as peur. Même si ça sort après, là, le bar est ouvert. Oui. C'est une invitation tout court. Ça, vas-y. Regarde, tu nous écoutes, on est dans ton téléphone, on est dans ta tablette, peu importe. Tu peux marcher avec nous autres vers Arcade Montréal. On va tenir diverti pendant ta ride de bus, de char ou de transport en commun, métro même, vers Arcade Montréal. Que statistiquement parlant, t'as des très bonnes chances de me croiser parce que je vais me tenir là assez souvent. Puis je suis super content. Premier vrai... Ben, c'est un premier dédié barcade à Montréal. Il y a des places, il y a la place à Pinball. Un shout-out aussi... Le eSport Place, là, c'est quoi, non? Ah, Nexus. Shout-out aussi à la gang de Nacho Libre, puis la Taverne Cobra, qui a aussi des arcades là-bas, que entre autres, va avoir un tournoi, le gros crise de tournoi de Mortal Kombat 2. Eux autres, ils font le premier sur l'arcade. Oh. Ça va être au mois d'avril. Je vais être là aussi. Je vais rep Arcade Montréal. Ça va être des dojos maintenant. Ça va être des combats et des ceintures. Le skill bar qui est bien. Et même rep le collectif aussi, mon gars. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Je rep toujours le collectif dans ma vie quotidienne. Mais c'est ça. Puis à part de ça, que je voulais dire le shout-out, la félicitation pour ça, puis les gros projets. Je voulais parler aussi d'un jeu vite fait que je joue beaucoup dernièrement, c'est Overwatch. J'ai eu le bêta d'Overwatch. Je voulais le pogner, ça. Man, c'est bon ce jeu-là. Ça sort quand? Ça sort, ils ont annoncé le 24 mai, je pense. Je pense que c'est ça, 24 mai, en tout cas, dans cette période-là. Puis là, je suis dans le open bêta. Je suis dans le bêta, mais ça va devenir un open bêta. C'est fucking Blizzard qui font un jeu écœurant. Là, je joue avec un de mes chums de la job. À chaque temps, je joue tout seul. Est-ce que Boris joue avec toi? Non, Boris joue pas avec moi à celle-là. Boris, je joue avec à The Division, que tu vas sûrement parler dans pas long. Mais non, c'est ça. Ça, c'est Heroes of the Storm plutôt. Puis, parce que Boris est calmé. Ah oui? Ouais, il est calme. C'est juste dans les MOBA qui capote. Fait que je peux recommencer à jouer à... non, tu vas éventuellement te faire crier après à un moment donné, tu vas être comme, ah, c'est pas plaisant. C'est qui qui a joué à Rocket League à un moment donné? Non, il a pas joué à Rocket League ou encore. Battlefield? Non, c'était Battlefield, ça, c'est... Non, c'était à Halo qu'on a joué avec Goran. Tu parles de Goran? Je sais pas. Ouais, on jouait à Goran qui était un bon ami. Il était sur du vin ce soir-là. Je sais plus. Il était rendu sa troisième bouteille, je pense, mais il était unchained. C'était épique. Ben, ça c'est cool en plus. Puis Goran, il était écœurant. Checker Goran Go sur Facebook, là, sur sa page de profil est public. C'est un artiste écœurant. Puis le gars, il est tenté de nous dire comment est-ce qu'il est tenté d'essayer d'acheter la licence de MechWarrior, que lui et ses amis, parce qu'il y a des amis dans les jeux vidéo, puis lui, il est tenté de monter de l'argent en ce moment parce qu'il va acheter la licence de MechWarrior puis faire un relaunch de MechWarrior. Il y a pas eu un Kickstarter de MechWarrior? Non, pas MechWarrior. Il y avait des gens qui voulaient relancer, justement, MechWarrior. Ben, je pense que c'était cette gang-là. Je suis pas sûr que c'était l'autre, mais je sais que j'ai vu trois bouteilles de vin sur le comptoir. Ouais, Goran, il était écœurant, là. Je l'avais rencontré quand je faisais des micro-plays dans le temps, puis vraiment cool, c'était. Fait qu'Overwatch, on joue? Overwatch. Le 24 mai, on... Overwatch, si t'as aimé Team Fortress, si t'aimes les jeux compétitifs. Si t'aimes Smite? Ouais. Ben, Smite aussi. Smite, c'est vraiment bon. J'ai-tu parlé de Smite? Smite, j'ai vraiment joué beaucoup au Xbox pendant 2-3 semaines, là. J'ai pas arrêté. Mais des jeux compétitifs, Overwatch, c'est ça. Puis c'est Blizzard, qui est Activision, qui ont acheté MLG, qui va avoir plein d'affaires de e-sport qui va venir de leur vue. Puis ça va être un des jeux qui va être mis sur le top. Puis moi, j'aime bien des jeux compétitifs. Fait que ça, ça n'est un qui est le fun, puis il est bon, il est balancé. T'es toujours en train de changer de classe. T'as ta classe offensive, t'as ton tank, t'as ton tank. Medic. T'as ton, hein? Ouais, non, medic, ouais, les medics aussi. Engineer. Ouais, il y a des engineers, c'est comme dans les tanks, ça. Okay. Il y a des modèles comme ça, mais tu faut toujours tu switch. Ça qui est hot aussi, t'as tous les bonhommes, puis pour le flow du jeu, c'est que tu switch d'une classe à l'autre. Si tu restes avec la même personne tout le long du jeu, tu joues ça pas bien. Faut vraiment que tu switches d'un bonhomme à l'autre, t'as plein d'unlocks, le plus que tu joues. Anyways, t'es écœurant. Oui, 3 Louise Riel sur 3. Mais là, t'as Overwatch, t'as Paragon qui est en train de développer par Epic. Ben, Paragon, ouais. Là, c'est drôle que tu mentionnes Paragon parce qu'en ce moment, il est téléchargé sur mon PlayStation 4. Et je suis toujours. Hier, j'étais en train de débattre de l'acheter ou non. Parce que tu peux le télécharger, mais il faut que tu achètes Defenders Pack pour embarquer dans le bêta. Okay. Puis je suis on the fence. Là. Je pense que je vais craquer puis le prendre il est ce combien? Soir. 20$. Paragon, ça va être 20$? Ouais, 20$ pour le Founders Pack. Ouais, ou c'est ce cool. Que ben, je pense que ça va être un free-to-play anyways. Mais en ce moment, c'est un Founders Pack. OK, c'est un autre de ces paye-moi puis. Ben, sais-tu quoi, ça marche? Moi, je trouve ça là, c'est ouais. Un marché qui marche. Ça me l'a marché pour moi pour Paladins. J'ai joué pas mal de Paladins, c'était ça aussi. Mais c'est ça. Puis, je pense que j'ai appris Paladins une couple de shows passés. Là. C'est un autre genre de Overwatch. Pas comme Paragon. Paragon, c'est vraiment un MOBA. First person MOBA. Ouais, non, mais c'est ça. C'est... mais Paragon, c'est un vrai MOBA dans le sens où ce que t'as tes minions aussi. Là. Oh. Tu sais, où ce que tu marches avec tes minions puis tu protèges tes minions. Chris, vont-tu arrêter de mettre des minions dans tout le tabarnak? C'est tellement pas plein. C'est-tu quoi? On va aller plus loin. Là, t'as Orcs Must Die Unleashed qui sort dans l'open beta dans pas long. J'ai embarqué dans le beta avant, puis j'ai joué la fin de semaine passée. Vous avez-tu déjà joué à Orcs Must Die? Je vais dans un le peu, temps, ouais. Mais Orcs Must Die va sortir au PS4. J'ai joué un heure. Il va sortir puis... au PC. Ben, avec les traps, là, puis t'as les Orcs qui viennent. Ouais. Il faut que tu fasses tes ben, traps. C'est un Tower Defense, genre. Là. C'est ça. Mais là, ils l'ont fait en MOBA 5 contre 5. OK. Fait que tu fais ça, t'as grosse map avec tes minions, puis t'as 5 autres qui font ça, puis c'est des héros avec des différents spells. Puis eux autres, leur open beta, c'est dans une semaine. Ou ce qu'ils vont vraiment y aller. Je l'ai vu, mais je pensais pas c'était de moi. Je pensais que c'était un vieux style. Là, non, ben c'est le. Non, c'est, ils ont vraiment. Parce que les Orcs Must Die, c'était quand même des jeux de qualité. C'est le studio Robot Studios. Ben, faut t'aimer ça, là, personnellement, des Tower Defense de même. Ouais. Mais le Robot Studios, c'est la saison, il a fait Age of Empires. Ouais. Mais les gars de. Je m'en rappelle pas, disons, du studio d'Age of Empires dans le temps. Ah, oh, ça me gosse. Microsoft? Que Microsoft avait fermé. Microsoft. Ouais, mais c'était un studio qui faisait ça. Microsoft, ils les ont fermés. Lionhead Studios? Non. Non, un autre qui ont fermé. C'est un autre qui ont fermé, là. Ouais, non. S'ils ont fermé, il y a sûrement une bonne raison. Ah, c'est Sony qui l'a fermé. Ah, Sony ferme des studios aussi, c'est vrai. Ben oui, Colin. Mais tout ça pour dire que Orcs Must Die, ben la version MOBA est très cool avec les traps et tout. Puis c'est. Va-t-il être gratuite? Je crois que la version ouais, Unleashed, c'est gratuit. Ah bon. Ben, il y a un Founders Pack à 30$. Si tu veux l'acheter avant, ouais. Ouais. Ouais. L'autre que je regarde et que j'ai hâte de voir, c'est Lawbreakers, là, celui de Clavid Blazinski. Oui. C'est quoi, c'est quoi son studio, lui? Fuck. C'est Clavid Blazinski Studio. Là. Non, Bosky. Ouais, Bosky Studios. Ouais. Ouais. Boss Studio, ouais, c'est ça. Ouais. Cool. Ben toi, justement, Jean-Luc, deux ans de rattrapage à faire, qu'est-ce qui se passe avec toi? Vous avez jusqu'à quelle heure? ben, d'habitude, on prend une pause à 8h30, okay, puis on repart après, mais prends le temps qu'il faut, voyons. OK. Ben non, en fait, c'est surtout réalité virtuelle, évidemment, que je continue de suivre et de lire à chaque jour. Fait qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Des grosses semaines, là, des dernières semaines. Oh, ouais, c'est malade, là. Mais non, en fait, actualité, j'ai commencé Daredevil saison 2. Oh, j'ai pas eu le temps encore. Fait que pas de spoilers, là, mais dans les promos, on voyait déjà Elektra puis Punisher. Ouais. Puis vraiment, là, c'est paraît vraiment... que Punisher est malade, là. Toutes les reviews que j'ai vues à date, le monde, là, c'est oh my god, Punisher. Mais Elektra aussi, là, est vraiment hot. Puis Elektra, je l'ai vu dans Gods of Egypt hier soir. Gods of Egypt. Ah, c'est pas le film américain voir, à propos des dieux égyptiens, ouais, mais ouais, qu'il y a personne d'autre qui est une des blancs. Mais attends, wow, là. Tu dis ça comme si c'est nouveau, ça. Non, c'est pas nouveau. Hey, écoute, c'est comme Ben Hur, Spartacus. Arrête de faire un scandale aux Oscars, s'il te plaît. Ben non, c'est ça. Fait que Elektra est très bien. L'actrice est super bonne aussi. Punisher, j'ai bien aimé ce qu'ils font, là. Je dirais pas qu'est-ce qui arrive, mais la direction qu'ils ont prise m'a surprise. Sweet. Fait qu'à date, j'en ai vu 7 sur 13. Fait que j'ai hâte de continuer ça, puis de voir la fin de la série, là. J'avais évidemment... Paraît que ça part rough en plus, là. Oh, ouais, c'est ça, j'ai hâte de le voir, là. Puis ça, l'acteur qui fait Punisher est super bon aussi, puis l'histoire est assez bien respectée. Hein. Y a-t-il un lien avec Jessica Jones que t'as dit? Il mentionne l'avocate de Jessica Jones. Okay. Vite. Mais sinon, non. Ça, c'est la power lesbienne. Ouais, c'est la power. L'avocate. Ouais, t'avais dit ça, là. C'est ça. Ah non, la power lesbienne, c'était pas dans Jessica Jones, c'était dans Sense8. Non, power lesbienne, c'est des dildos. T'en as une dans. Netflix, il aime ça, des power lesbiennes. Dans Sense8, c'est des lesbiennes, mais il y en a une qui est un gars. Qui est devenue une femme, puis que là, me semble, sont lesbiennes? Non, dans Sense8, c'est deux lesbiennes. Mais il n'y en a pas une là-dedans qui est une transsexuelle. C'est les Wachowski. Ouais, c'est ça. Mais le gars qui devient une femme, il a 65 ans. Y a-t-il un transgenre? Je sais plus, j'ai tellement trouvé ça plate, cette sigle-là. Daredevil. Ouais, puis là, j'ai hâte de voir la fin, là, mais il y a Stick qui avait annoncé aussi qu'il revenait, fait que là, je viens de voir cet épisode-là. Qui, ça, excuse? Stick, son mentor. Stick, OK. Puis évidemment, tout ça va mener jusqu'à The Defenders. Là. Fait que je pense que c'est à la fin de l'année que la série de Luke Cage a sorti. Ouais, c'est ça, je l'ai dit. Il paraît qu'à la fin, je l'ai même pas vu, là, qu'il y a comme un. À la Marvel, un peu, ouais, là, tu sais, un mini teaser d'après générique. Qui parle au monde? C'est Luke Cage qui est là, puis il paraît qu'il y a de quoi qui. Dans ça, t'as Iron Fist aussi qui a été casté. Il ouvre la porte, là, c'est ça. Ouais, Iron Fist, attends, c'était quel acteur déjà qui ont pris? Le gars de Game of Thrones qui faisait. Pas Renly, mais non, le. Non, c'était pas le... Ouais, je pense que c'est ça, c'est un des kids Lannister. On voit-tu Iron Fist dans la date, dans Daredevil? Non, je pense pas qu'on le voit non plus, là, okay. Ça fait un bout de temps qu'ils ont tourné la série, Là, je trouvais ça... Mais j'aime ça que tout se relie. Ouais, puis justement, il y a Batman vs. Superman qui sort ce week-end, puis les critiques ont commencé à sortir, là. Ouais, il paraît que c'est un beautiful... C'est comme quand tu te fais un repas à mijoteuse avec tous tes restants. Là, c'est comme ça goûte fucking bon, mais en réalité, c'est un paquet de n'importe quoi. Moi, ce que j'ai lu, moi, c'était la review d'IGN, puis il disait, attendez-vous pas un Justice League ou mettons, un Avengers de DC. C'est plus un genre Watchmen ou... Mais c'est parfait, ça. Mais non, c'est ça. Watchmen, qui a joué à la TV en fin de semaine. En français, mon père, qui a jamais vu Watchmen de sa vie... Au début, quand t'as Jeffrey Dean Morgan qui se fait éclater carrément, puis le gars il pète au travers du comptoir, t'as mon père me regarde, il fait c'est un film de super-héros, ça, puis il regarde, puis il est pas trop sûr, puis il fait c'est un film de super-héros, hein, c'est un fuck off, puis voyons. Il a pas vu, puis il a dit ah oh, shit, c'est Ozymandias qui vient de le tuer. Quasiment, là, tu sais, il était, je te jure, il était comme en. Not sure if superhero movie or. Ah ouais. Mais c'est drôle ce que tu dis, c'est attendez-vous pas un Avengers, mais on a fucking Civil War qui s'en vient dans pas long, puis on a vu 4 héros contre 4 héros dans un aéroport. Ouais, mais. C'est comme ça, je m'attendais pas à un Civil War non plus, là. Ça veut-tu dire, faut pas s'attendre à un Avengers, ça veut dire, faut pas s'attendre à ce qu'il soit bon. Mais c'est comme, je sais pas c'est quoi qu'il veut dire par ça, parce que moi, je pense que le film, je vais aimer. Mais en plus, je pense encore plus que je vais l'aimer parce que le plus de critiques négatives que je lis avant... Ben oui, ça baisse tes attentes. C'est comme ça baisse mes attentes. Ouais. Là. Je veux dire, moi, je suis set-up pour apprécier. Puis j'adore... Moi, contrairement à ben du monde, là, tout ce que Zack Snyder fait, là, j'aime. Moi, il y a un autre affaire. J'ai rien contre Zack Snyder, puis j'ai adoré Watchmen. Ce qui m'intéresse d'aller le voir aussi, c'est que, tu sais, je suis tanné de... C'est con à dire, là, mais le hype que j'avais dans les dernières années dans les films de Marvel, c'était pas de voir le film, c'était de voir qu'est-ce qui arrivait à la fin pour savoir le lien que ça va avoir avec le prochain. Ouais. Là. Puis tu sais, c'est juste le fait de pouvoir finir d'écouter le film et faire « bon, c'était ça ». Puis là, tu te lèves, puis tu t'en vas. De préférence, tu ramasses ton popcorn, parce que sans ça, Deadpool, il traite de dick. Mais il fait longtemps qu'il est fini à la fin. Ouais, puis pitché dans la salle. Popcorn, je pense que je le finis dans les previews. J'ai même pas vu Deadpool encore, tu sais, donner une idée. Fait que... Écoute, ça, tu devrais aller le voir. Je vais pas aller voir Batman. Tu vois, mais ma blonde veut pas jamais de mes enfants. Puis j'ai compris. Mais je la comprends un petit peu. Ouais, c'est même ça. Deadpool t'as dit de pas amener tes enfants. C'est ça. Pour ça. J'ai vu ça. L'annonce, puis il fait ah. Mais je vais le regarder chez nous. De regarder voir si t'avais le cancer. Ouais, en tapant les couilles. Ah, ça, je l'ai pas vu ce bout-là. Fait que dans le fond, toujours impliqué dans VR. Toujours. T'écoutes Daredevil, toujours à l'affût de la geek culture. Oui, évidemment, là, c'est. Ben, c'est cool. Comme toute la communauté. Puis on va avoir la chance de parler de VR un peu plus en profondeur après la pause. Fait que ce qui va nous permettre de regarder un peu en 2 ans, justement, depuis 2014, qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui arrive. Tu sais, on parlait de UI tantôt, j'ai fait un petit parallèle à Division. Moi, dans le fond, ma grosse actualité, en réalité, c'est que je voulais prendre quelques secondes de silence pour le Bullet King. On peut-tu faire une licence pour Garrosh aussi? Oui, on peut. Joe Farrell. Puis Rob Ford. Ah, Rob Ford. Ouais, on a perdu du beau monde, hein, ces temps-ci, là, tu sais. Bullet King, Rob Ford. Lich King. Lich King. Non, mais lui, c'est pas ces temps-ci, ça fait longtemps, là, lui, j'ai... Diablo. Ouais, ouais, ouais. Mais en gros, tu sais. Lionhead. Où je voulais. Oui, Lionhead. Oh, Evolution Studios. Too soon, too soon. Mais où je voulais en venir avec ça, c'est que, tu sais, ça, j'ai comme allumé sur une tendance un peu médiatique où, justement, Daredevil, mettre le monde un peu en contexte, il y avait un NPC qui s'appelait le Bullet King, qui était à côté de Autumn's Hope, qui est comme une safe house en haut à gauche dans le district de Times Square, que je me suis certainement pas tenu là dans les trois derniers jours à spawner puis aller tuer le Bullet King. Mais dans le fond, c'était un NPC élite qui te droppait du bon loot. Dans le fond, puis des Phoenix Credits qui te permettent, dans le endgame de Division, d'aller te procurer des armes épiques. Fait qu'en gros, tu pouvais tuer le Bullet King, rentrer dans Safe House, ressortir, puis le Bullet King, il revenait. Fait que lui, c'était comme Bill Murray dans le Groundhog Day, là. Il tuait de façon différente, non-stop, à toutes les minutes 30, parce que c'est le temps que ça prenait pour le tuer, puis rentrer dans la base, là. Puis ça a fait comme un peu un phénomène où Kotaku, qui sont toujours à l'affût de tout, ils ont mis un tutoriel pour dire au monde, « Hey guys, il y a un exploit dans Division, puis ceux qui s'intéressent, avant qu'ils patchent, ben allez à Autumn's Hope, puis aller farmer le Bullet King, voici comment. » Puis ils ont tout illustré comment. Puis moi, je vois cet article-là popper sur Facebook. Puis là, le monde, il le partage. Puis ils sont comme, « My God, c'est la Loot Cave de Destiny, version Division, blablabla. Bla, » bla, bla. Bon. Fait que là, moi, je vois ça comme tout le monde. Je suis curieux, je l'essaye. Comme tout le monde, je suis greedy, je le fais souvent, puis je me ramasse du loot. Puis le pire, c'est que ça m'a pas rendu le jeu plus facile pour 5 cents. Ça m'a donné une petite avance, mais c'est rien d'incroyable. Mais... Où j'ai allumé, puis je voulais en parler avec vous autres autour de la table. Le monde était fâché après Kotaku, dans les commentaires, parce que le monde était comme, « Chris, vous êtes bien cave d'en parler, on devrait se tenir les coudes en tant que société de gamer. » Fait que c'est comme un nouveau loot cave. Pour que Ubisoft soit pas au courant, pour pas qu'il patch, puis que... Quoi, l'Internet est fâché contre quelque chose? C'est ça, hey! Tout le monde était, là, c'était les Gaming Justice Warriors, là. Les GJW et non les SJW. Mais tu sais, là, le monde s'offusquait pis était comme, ben voyons donc, fermez votre gueule, Ubisoft vont le... Tu sais, comme s'il y avait... Ubisoft sont au courant, là. Ben, comme si t'as le gars de PR chez Ubisoft qui est à son bureau, qui se cote à coup pis il fait refresh. Avec tout le data des joueurs et tout, fait qu'il voit très bien. Ben, c'est ça. Tu sais, il voit, tu sais, c'est pas dur, regarde, dans ma map... Ma friend list au complet était condensée dans une safe house, puis je les voyais juste rentrer, sortir. Fait que, tu sais, ça avait l'air d'une maison d'une femme de joie à 3h du matin, là. Tu sais, tout le monde rentre puis sort comme malade, puis passe par en arrière, puis peu importe. Mais, tu sais, le monde sont offusqués qu'un journaliste parle de ça. Puis d'un autre côté, t'aurais dû voir le nombre de comments. Tu sais, on dirait le monde oublie à un moment donné que des journalistes, ben... Ça parle de sensationnaliste. C'est du clickbait des fois. Ben, c'est ça, exactement. Dire, il veut juste les clics du monde qu'il ne savait pas, puis hein, comment je peux faire ça, tout. Puis hein? Tout le monde va linker à ça. Puis, mais à coup, qui fait du clickbait. Ben, ouais, il y a une opportunité, je trouve, par contre, que j'ai trouvé ça plate. Puis, tu sais, j'adore Division, puis j'ai aimé Destiny aussi. Je ne me cache pas d'avoir aimé Destiny. J'ai pas joué assez. C'était bon 4 jours. Ben, moi, j'ai joué plus longtemps. J'ai même acheté les DLC par après. Non, mais le nouveau, pass. Il se posait être écœurant, non? Ben, c'est cool. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que là, il y a eu une différence flagrante entre Ubi et entre la gang de Bungie puis Activision. Tu sais, c'est que quand ils ont dealé avec le Loot Cave dans Destiny, tu sais, ils ont même été faire jusqu'à un Heirloom, ils ont rajouté le Loot Cave dans le lore du jeu. C'est un clin d'œil, là. Ils ont fait des beaux clins d'œil en voulant dire, tu sais, c'est comme, on travaille avec la communauté, puis j'ai trouvé ça super cool, puis il y a beaucoup de compagnies qui travaillent avec leur communauté dans des choses comme ça. Ubisoft avait l'opportunité de pouvoir, justement, tu sais, faire un petit clin d'œil. Tu sais, c'est con à dire, mais l'endroit où Bullet King passe, tu sais, il aurait pu... Moi, j'aurais été le gars de PR d'Ubi. Hey, on sort la patch. On met-tu une pierre tombale du Bullet King à cette place-là? On met-tu un graph sur un mur qui marque Bullet King was here? Ou, tu sais, juste une mention du Bullet King à quelque part. Tu sais, c'est devenu un peu leur loot cave. Puis tout le monde le disait carrément. Hey, il y a une loot cave dans The Division. Je trouve que ça aurait été cool qui implique un peu la communauté là-dedans. Ils ont patché. Moi, j'ai rien vu là, dans le jeu, puis j'ai checké en ligne, puis j'ai pas vu aucune mention qu'ils ont fait quelque chose de spécial dans le jeu. C'est ce qui est... Tu sais, ce que je trouve cool, c'est que Ubi, c'est une compagnie qui ont souvent un paquet de bonnes idées, mais leur PR est jamais super excellent non plus. Fait que, tu sais, rapprochez-vous de vos fans. Vous avez créé un jeu là, que le monde capote. Là. Puis le monde, là, présentement, on attend les raids qui arrivent le 1er avril. Mais tu sais, on sait pas trop quoi faire dans le jeu un peu. On joue, on essaie de faire vos challenging missions que fuck you sont tellement difficiles. Mais, tu sais, impliquez-vous avec votre communauté comme ça. Faites des petits clins d'œil. Ça, là, c'est con à dire, mais c'est un petit velours pour les gens qui s'investissent dans le jeu. Trouver un bug de même, là, c'est pas un... Oui, c'est un problème en tant que tel, mais c'est pas un problème. Ça veut dire que le monde aime tellement votre produit qu'ils ont comme trouvé un moyen de jouer plus vite, puis de crosser, puis d'essayer d'aller là-dedans. Fait que vous avez des fans passionnés, tu sais. C'est sûr qu'eux autres sont toujours sur les message boards, puis ils regardent tout ce qui se passe, tous les commentaires. Hein. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, je te donne un exemple. C'est quoi? C'est Volition Software, que dans le fond, mais eux autres, récemment, ils ont fait... on avait un ROM de Saints Row pour le PSP qu'on n'a jamais releasé. Puis, regarde, vous tripez tellement sur Saints Row, on n'a pas de contenu pour vous autres. Le kit, tant qu'à le sacré au vidange, okay, le l'ISO, amusez-vous avec ça. Puis le monde a capoté, puis il était comme, « Hey, attends, m'a le monté dans mon vieux PSP, m'a essayé de jouer avec. » Tu sais, il y a tellement des belles opportunités de faire une belle communauté avec les gamers, puis tu sais, le monde tripe là-dedans. Fait que c'est ça, tu sais, c'est peut-être que quelqu'un chez Ubi écoute le podcast, peut-être personne l'écoute non plus, mais tu sais, je trouve que ça aurait été une belle mention avec les gens. Je sais pas la job impliquée là-dedans, Jean-Luc, peut-être que c'est de coder quelque chose puis de mettre un rajouter un, une texture, je sais pas si ça aurait été quoi comme job, mais tu sais, peut-être que ça aurait été faisable, tu sais. Ah ben c'est sûr qu'au niveau programmation et artiste et tout, c'est quelque chose de rapide à faire, mais il y a sûrement d'autres choses, là, il y a plusieurs niveaux de décision. La rapidité qu'il faut qu'ils patchent aussi. Ben ouais, peut-être des implications aussi à faire ça. T'sais, peut-être que ça brise d'autres choses ou peut-être que... Mais je dois avouer, par exemple, tu lèves un point, mais toi, tu dis la rapidité, ils ont patché vite, pas à peu près. Là. Ça ben a pris trois jours, puis bang, c'était mais patché. Ça, faut que tu le fasses, mais créer le graph ou je sais pas, là, le programmer, peut-être ça prend une semaine de plus, fait que... C'est juste une semaine, mais ils se disent on peut pas laisser ce glitch-là pendant une semaine de plus avec un article en plus Kotaku. Mais le pire, c'est que ça aurait probablement pété le jeu pour une chose. Puis tu sais, je prends un exemple, tu sais, le Dark Zone dans Division. Le credit, il vaut plus rien. Ben le credit, d'un, le credit vaut plus rien. Puis de deux, si tout le monde est OP dans le jeu, quand t'arrives dans la zone de PVP du Dark Zone... C'est plate. Ben c'est ça, tu sais, t'as plus vraiment... Moi, je viens de l'unlocker, le Dark Zone, puis j'ai quasiment peur d'y aller, puis je me dis ça va être plate. Au contraire, tu devrais aller faire un tour immédiatement quand tu peux, parce que le meilleur loot du jeu est là, puis ouais, ben, pas tout le meilleur loot. Je suis level 10, genre. Ouais, mais c'est pas grave, tu vas être dans une zone qui va être level 10, comme toi, tu sais, il bloque les levels. Ah, c'est cool, ça. Dans ta zone, tu vas être avec du monde juste de ton level. Ouais, okay, mais les ennemis sont pas niveau 10. Dans la zone 1, oui. Dans la zone 1, c'est limité à toi. Fait que faut que tu rentres. Je pensais que n'importe quel level 30 va passer comme, pas. Non, parce que, tu vois, moi, je suis niveau 30. Quand je rentre dans le Dark Zone, je suis dans la zone level 30 single player, level 30 Dark Zone et plus. Okay. Parce que tu peux te rendre, ils ont fait une mention. Ben, tu vois, je parlais de pas s'approcher de la communauté, mais ils ont fait de quoi de cool, tu sais. Le premier player qui s'est rendu au level cap dans le Dark Zone, level 99. Je pense que c'est Cryptic Chaos, quelque chose de même. Un Australien. Ils ont pris une photo de son personnage, puis ils l'ont mis sur leur blog, puis ils ont fait tout le monde nous envoyer des questions en nous disant c'est quoi le level cap dans le Dark Zone? C'est quoi le level cap? Puis ils répondaient jamais. Puis quand quelqu'un l'a atteint, ils ont fait ben regarde, lui il l'a découvert, c'est level 99, puis ben, faut que t'ailles jouer pour être rendu à level 99. Là. Fait que moi, c'est. Je pensais que c'était 30-30 au début. Non, mais ça, tu peux monter plus haut parce que même quand t'es rendu dans Dark Zone 6, il y a du gear 50 et plus. Puis, okay, ouais. Tu sais, c'est vraiment cool. Shout out à Lesh qui est rendu une machine à tuer dans le jeu. C'est incroyable. Là. Ce gars-là, il est rentré dans ma game une fois. On a clairé des missions rapidement. Puis, tu sais, il joue beaucoup. Il s'investit dans le jeu. Puis, je pense qu'il l'apprécie. Ouais. Fait que, tu sais, c'est, ça a du sens. C'est quelque chose de très bien. Puis, ça ressemble un petit peu à ça, dans le fond, mes activités de cette semaine. Fait que, écoutez, guys, ce que je vous invite à faire, c'est qu'on va se prendre une petite pause de 5, 10, 15 minutes pour se ravitailler. Puis ensuite, on va revenir avec le sujet principal dans Motherfucking VR! On va parler du state of motherfucking VR, dans le fond. Fait qu'on va vraiment parler de ça s'en va où, qui est là, comment ça fonctionne, c'est quoi nos prédictions. Puis on a la chance d'avoir Jean-Luc qui est un expert pas mal dans le domaine. Toutes les grosses annonces qui ont été faites cette semaine, là, c'est le GDC, comme qu'on va sûrement en entendre parler. Puis on sait tout qu'est-ce qui va être de dispo. Puis ça se passe, it's happening. Mais right? c'est ça qui est it's happening like in a week it's happening. Mais la dernière fois qu'on en a parlé en plus, c'était des pure spéculation, tu sais, on essayait ton dev kit chez nous, puis on testait ça, puis on était un peu tout et ben oui, puis là on sait exactement, les annonces ont été faites. Il y a des gens qui développent, qui testent activement. Il y a des répercussions sur le marché. Je pense qu'on a du fun de jouer de ça, de la game ensemble ce soir. En tout cas, on espère qu'ils aiment des game collection aussi. Exactement. Donc, oui. Donc, de retour dans 15 minutes. Ben, en fait, 15 minutes pour nous et les gens qui sont en ligne présentement. Mais si vous écoutez cet épisode en balado-diffusion, ben, ça va peut-être être 30 secondes, tout dépendant. Peut-être je vais vous pitcher une annonce par rapport dans le milieu. Peut-être je le ferai pas aussi. On a-tu des annonces? Ben, des fois, je m'enregistre tout seul la nuit, puis je me dis, non, tu peux pas faire ça, tu vas vendre ton âme. Fait que j'aimais pas dans l'émission, finalement. Ah. Tu sais, je pourrais parler de Patreon, je pourrais parler d'aller sur Facebook, liker la page, un paquet d'affaires de même. Une pub RZO, comme qu'on avait dans le temps, au début. Tu sais, ça pourrait être un paquet de cossins. Mais tu sais, je sais pas. Tu sais, dire tout le temps au monde d'aller sur patreon.com/geekcollectif, tu sais, c'est fatiguant. Le monde peut le faire à leur discrétion, tu sais. C'est comme les 5 étoiles sur iTunes, tu sais. Mais on n'est pas là pour les pousser à le non, faire. Non, aucunement. On l'apprécie quand ils le font. On l'apprécie vraiment. Mais on n'influence pas personne. Mais on n'influence pas personne. Fait que de retour dans 5, 10, 15 minutes. Fait qu'on revient à tous. Maintenant. Donc, de retour de cette courte pause. C'était pas long, ça. C'était instantané. C'était dans un sous-marin. En fait, il n'y en a même pas eu de pause. Il n'y a même pas eu de pause. On y est en fait. En réalité, il n'y a pas eu de pause. Mais il y a jamais de pause quand on parle avec les gens sur Twitch. On a eu le temps de parler de pornographie. On a eu le temps de parler de pornographie puis de réalité virtuelle. On a eu le temps de parler de réalité virtuelle dans la pornographie et de pornographie dans la réalité virtuelle. On voit ce que nos auditeurs aiment. C'est toutes des questions que les auditeurs. On jurerait que quand les geekers ont arrêté d'enregistrer, 100% de leur clientèle a migré vers le collectif. C'est assez faramineux du monde sur la brostre. Donc, guys, réalité virtuelle ce soir, deuxième épisode qu'on fait sur le sujet. Jean-Luc. Oui. Jean-Luc, t'as des gens qui n'ont pas écouté l'épisode 51 qui est disponible sur le geekcollectif.com et iTunes. T'es qui, Jean-Luc? Un ancien collègue d'André. Effectivement. Ça fait combien de... ça fait très longtemps? Fuck, ça fait... Écoute, ça va faire 11 ans. Ça fait 5 ans que je suis plus... Mais une chose est claire, un ancien collègue d'André dans le travail, c'est un ami et un membre de quasiment du podcast. Ah, effectivement. Et du geek collectif. T'es là depuis les débuts avec le collectif. Jean-Luc, ça a été une des personnes qui m'a fait quasiment découvrir les podcasts. En fait, les deux personnes qui m'ont fait découvrir les podcasts sont à cette table. Jean-Luc et Eric. Jean-Luc, il venait me voir et il dit « Écoute, ça, c'est bon. » Puis quand il se poussait, je fais « OK. » Là, je l'écoutais. « Ouais, finalement, c'est bon. » Fait que Jean-Luc, geek assumé. Oui. T'as de l'expérience dans les jeux vidéo aussi, comme tu l'as mentionné. Fait que dans le fond... Ah, ta blonde, elle arrive. Elle a essayé d'être discrète, mais... Avec nous autres, ça se fait pas, ça. Ça marche pas de même. C'est un mot qu'Éric connaît pas. Non, la discrétion... Attends, discrétion ou indécence, là? Il y en a un que tu mélanges tout le temps. Il y a pas de mot en anglais pour ça, fait que... Oui, certainement. Discrétion, c'est discretion, puis c'est un mot français. C'est ça, c'est un mot français. Mais qui se dit en anglais, comme... 40% ou plus de le pourcentage de comme mots. Déjà vous. Fait que, dans le fond, Jean-Luc, de retour à toi, Eidos? Oui, je travaille là depuis 5 ans maintenant. Et j'ai commencé en fait comme analyste financier, parce que en fait, je suis un geek et je suis un comptable. Et fait que j'ai commencé là, comptabilité, j'ai fait 2 ans, puis là maintenant ça fait 3 ans que je suis sur le plancher de développement et que je travaille avec les développeurs. J'ai une question vite faite. Tu parles publiquement, I guess, c'est sûr que tu ne commentes pas sur Eidos, mais parler publiquement comme ça dans une compagnie comme de jeux vidéo comme Eidos, c'est comment ça? Ils sont ouverts à ça? Ils vous laissent tout le monde parler comme qu'ils veulent? Ben en fait, on a... On parle pas d'un sujet de sa job. C'est ça, je dis tant qu'on touche pas sur la job. Je peux pas commenter, je peux pas commencer à bitcher ou à un autre studio. Mais d'un autre côté, t'as aucune raison de toute façon. De ouais, mais même à ça, c'est que tu sais, même s'il serait camionneur pour la ville de Montréal, c'est pas ton employeur, n'importe quoi. Jean-Luc, c'est quoi ton opinion sur Ocean Software? Je connais pas, mais c'est quoi? Jean-Luc, t'as passé de comptabilité à production de jeux vidéo. Ouais. Puis là, t'as une passion qui fait que t'es avec nous ce soir. T'aimes les podcasts. Puis t'as une deuxième passion qui est encore plus grande que ton amour des podcasts. T'es un fanatique de VR. Fait que ça a commencé il y a environ 3 ans. Au E3, il y avait un kid de 19 ans qui est arrivé avec ses lunettes de ski tapées avec un écran dessus. Puis qui a montré ça à John Carmack. John Carmack, il l'a montré à tout le monde en disant regardez, c'est carrément. Après ça, ils ont fait un Kickstarter, ils ont sorti un casque, un kit de développement. Je pense qu'il y en a vendu comme 65 000, ou on a parlé de 85 000 peut-être. Puis des développeurs qui ont commencé à travailler là-dessus. Là, pendant ce temps-là, Oculus travaillait sur le deuxième kit de développement. Ils se sont fait acheter par Facebook après ça, il y a 2 ans. Puis là, finalement, enfin, leur vrai kit consommateur qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, sort très bientôt. Celui qui a l'air d'avoir 2 écouteurs COS tapés sur le bord de la plateforme. Ouais, c'est des super bons écouteurs. Là, ils ont pas l'air de grand chose, mais la qualité audio est excellente. Ouais, cool. Ça se passe. It's happening. Ouais, enfin. On est rendu dans VR. Là, nous autres, on a un GIF en plus. Le fondateur, si on veut, le kid de 19 ans qui maintenant est rendu à 23. Il a, dans les entrevues, il a tendance à faire des niaiseries ou à bouger les mains, à faire comme n'importe quoi, puis il y a un gif qu'on a genre it's happening là, parce que ça fait comme 3 ans là, qu'à la moindre petite nouvelle on se dit ah, c'est enfin maintenant, puis il faut attendre, mais là c'est vrai là, fait que t'as le gif du gars it's happening, puis t'as l'autre gars dans le fond pour Shenmue au E3 qui était debout puis qui était comme qui perdait sa tête sur le gaz qu'il a appris que Shenmue c'est ça, tu sais. Ouais. Là dans le fond là, on a eu le CES, il y a eu GDC justement cette semaine. Fait que tu sais, dans le fond, les tendances observées, toi tu as suivi GDC de très près, je sais qu'Éric aussi, moi je vais être transparent avec vous, je n'ai pas suivi comme il faut cette année, mais je l'ai pas suivi au petit détail. C'est plus pour les développeurs, là, c'est le 3 qui s'adresse vraiment aux consommateurs, puis qui parle de trucs intéressants pour les consommateurs. Tu sais, le GDC, moi, c'est tout simplement, c'est cool de savoir qu'est-ce qui est là, parce que ça développe les possibilités, le comment, le parce que. La plupart du temps, c'est des conférences de développeurs de comment on a fait pour implémenter telle partie dans notre jeu, puis... C'est malade. Mais c'est un peu ça, mais y a-tu quelque chose qui est ressorti, que toi, t'as lu un article, puis t'as fait comme, my God, OK, ça, c'est un game changer pour la VR. Je sais pas si t'as vu Eric Hellblade. Non, Hellblade, j'ai pas vu. Ok, t'en as-tu entendu parler? Même pas, non. Fait que c'est un petit studio de 17 personnes qui sont en train de développer un jeu. Et ils montraient, ça me faisait penser un peu à Horizon. Fait que c'était tout ce qu'on voyait, c'était une fille, évidemment dans un jeu vidéo, qui réagissait, qui faisait un monologue, puis là t'as comme un boss qui l'écœure, puis là elle commence à crier, puis tout, là. Ta voix, puis a vraiment l'air d'être une vraie personne. Puis à la fin, là, la démo finit, puis en fait, il te montre l'actrice qui est en arrière du rideau, puis qui faisait la démo real-time, là, que tous les mouvements, tout le facial, tous les mouvements des lèvres et tout ça, que tu voyais sur la vidéo, que tu pensais que c'était un trailer, en fait, c'était tout real-time par la gang en arrière. Puis après ça, il y a des vidéos, fait qu'il y a cette bande-annonce-là qui est sortie. Cette technologie-là, on la voit de plus en plus couramment. Facebook vient d'acheter Masquerade puis des affaires comme ça, fait que c'est des technologies qui sont présentes que tu peux skinner. Qu'est-ce que la caméra voit à le mimique à 100%? Là, et là c'était pas seulement le visage, mais le corps au complet, puis les détails des visages aussi. Là, fait que c'est ça, ouais, tu peux imaginer le data, les données que ça prend, c'est les gears que ça prend à la seconde pour pogner tout ça. Ouais. Mais je sais qu'il y a du stuff sur le PC aussi avec la caméra qui te voit. On va avoir nos... Ça va être scary, ça. Mais là, dans le fond, là, juste pour faire un récapitulatif, parce que il y a quelques années, dans le fond, il y avait Oculus qui ont fait leur Kickstarter, qui ont fait le dev kit. Mais là, il y a des nouveaux joueurs qui sont greffés. On parle de HTC avec le Vive. Ouais, mais Valve, eux autres, ça faisait longtemps aussi qu'ils développaient des choses de réalité virtuelle. Pendant un bout de temps, ils développaient avec Oculus également. À un moment donné, ils ont chacun pris leur... On avait eu la chance de jouer à Surgeon Simulator, ouais. Milter et moi, sur un stream la dernière fois. Jouer, c'est un grand mot, là, mais c'était très difficile. Sauf que, tu vois, ça, je sais que dans le temps, c'était un des projets qu'ils développaient avec Oculus puis Valve, justement. Je le vois un peu plus comme une expérience VR. Y avoir joué juste sur le PSN Store, c'était un peu ordinaire, mais bon. Moi, j'ai essayé Alien Autopsy sur Vive. Ouais. Où là, c'est un peu la même chose, là, puis t'as un scalpel, t'as une scie, puis tout, puis là, le but, je pense qu'il y a une bombe dans l'extraterrestre qu'il faut que t'ailles enlever. Y a-tu la toune de Unsolved Mysteries qui part quand tu réussis à le couper? Même pas. Mais non, c'est en apesanteur en plus, là, fait que... Ah, en plus! Oh, ouais, c'est ça, fait que c'est un, la suite un peu de... T'as-tu juste un bras pis t'es bang? Ou... Non, non, non, même pas. Non, mais c'est... mais là, c'est, comme c'est les manettes du Vive qui, elles, sont trackées par les sensors qu'il y a du Vive. C'est un peu comme les manettes de Wii, là, fait que... Là, c'est tes mains, c'est beaucoup plus précis, là, tu te sens pas comme... Là, tu parles des manettes du Vive, là, tantôt, en rond, on a parlé des manettes de l'Oculus aussi. Là, il y a le Gear il y a le Gear VR qui existe de Samsung, qui est une expérience un peu plus abordable pour les gens. Qui est la version mobile. La version mobile. Mais il y a le PlayStation VR qui s'en vient aussi. Ouais, mais là, ça, c'était la grosse nouvelle au GDC, parce qu'on attendait tous de savoir quand est-ce que ça sortait, c'était combien, puis quel jeu allait sortir là-dessus. Puis en parlant de jeux, Sony, ils se sont bien présentés pour les jeux, ça a l'air. Ouais, ils ont montré beaucoup de bons jeux, puis beaucoup de bons potentiels. Puis on dit qu'il allait en avoir peut-être une cinquantaine qui allait sortir d'ici la fin de l'année. Puis un des commentaires du gars de Sony, c'était que le casque, ça faisait longtemps qu'il était prêt, mais il attendait qu'il y ait assez de jeux qui sortent pour dire, mais là, OK, on fait un vrai launch avec assez... Avec Je sais pas, parce que j'avais joué ça, moi, la fois que je suis allé au 3 pour le collectif, ça fait... couple d'années de ça, j'avais essayé le démo avec le dragon qui... Puis nice. C'était vraiment, je pense que c'était les années où le Move venait de sortir l'année suivante, quelque chose de même. Fait que je suis content que la Move fasse un comeback, là, leurs deux boules de couleur bizarres d'Eldo et Ça va sortir, servir à quoi pour ceux qui l'ont acheté? Non, j'ai lu le kit en plus. Là. Je m'avais amusé avec le Move, j'ai juste pas eu qu'est-ce que je voulais. Je sais pas si le Navigator va servir à quelque chose, je pense pas. Bon, le Navigator, je pense qu'il s'en va aux oubliettes. Mais je vois pas pourquoi pas, par contre, parce que le Navigator, il y a quand même un motion sensor un peu à la Wii dedans. Fait que, tu sais, ça pourrait être une composante. Mais il est pas tracké comme l'autre avec la balle de ping-pong. Hein. Ouais. Parce que la caméra track la move. Mais parlant de ça, justement, tu sais, là, il y a les trois manières de faire du VR. Il y a les trois compagnies qui font du VR. Est-ce qu'on est enthousiasmé comme. Tu sais, quand je suis un tripeur de VR comme toi, y en a-tu une qui m'intéresse plus que l'autre? C'est quoi les avantages et les désavantages? Tu sais, mettons, on les compare les trois, là, tu sais, les trois solutions. On parlera pas du Gear VR parce que, ben, en fait. C'est dans une autre catégorie, en fait, là, ça se compare pas. On va l'expliquer live, là. Gear VR, c'est un casque, tu plugues ton sel dedans, puis, une fois que ton sel est plugué dedans, ben, ça fonctionne. Fait que pour les gens qui sont live présentement, quand on a débuté le podcast, vous avez vu Milton l'essayer. Dans le fond, vous mettez votre téléphone Samsung à l'intérieur, il y a un logiciel qui est dessus, ça s'active. C'est très impressionnant. Eric est un convaincu maintenant. Oh, à 100% vendu sur le concept du VR avec un cellulaire. On dit que c'est juste le téléphone cellulaire qui fait du VR, puis c'est juste ça, puis c'est pas comme sur le PC, puis c'est une autre expérience totalement différente, que je suis d'accord, mais ça va être une solution énormément accessible. Ouais. Fait que, tu as un Moto X que tu as eu à 200$ chez Kudo, ben tu peux aller te trouver un setup qui ressemble comme le VR, mais plus générique, il y en a plein. Puis tu vas pouvoir voir des vidéos 3D, il va y avoir des jeux que tu vas pouvoir faire avec. Mais ça, pour ceux qui n'ont pas de budget, le Google Cardboard est une avenue très, c'est là, très c'est raisonnable. Présent, là, tu peux en trouver à 5$ qui viennent de la Chine. Tu mets ton téléphone, tu mets ton iPhone dedans, ça va marcher. Ce qui est le fun avec le casque, le Gear VR, c'est une expérience, mettons, de moyenne gamme, où là, tu as des sensors dans le casque aussi pour s'assurer que ta position est vraiment exacte. Ouais. Puis que quand tu tournes la tête, ben, l'image, elle suit aussi. Puis que. Ça, on parle d'environ une centaine de dollars pour se procurer un Gear VR. C'est ouais, c'est 140 canadiens, là, dépendant du faux change. Il y a beaucoup de rabais aussi. Comme celui-là, là, c'est 140 à peu près. Ouais, ben, tu peux le pogner à les places qu'on t'a donné si tu actives un téléphone. Wow. Ouais, mais 7, quand tu précommandais, t'en avais un. Okay. C'est ça, mais c'est à 50$ si tu t'abonnes. Ah, ouais, ouais. Crème, c'est bon. Fait que tu sais, en réalité, si on a couvert le Gear VR, là, on va parler des vraies ligues, les ligues majeures du VR, les versions PC et console, mais justement. HTC Vive, Oculus Rift et PlayStation VR. C'est quoi les différences, Jean-Luc? Fait que c'est... Encore là, ils ont chacun leur... Comme n'importe quoi, ils ont leur avantage inconvénient comme Xbox puis PlayStation. Fait que PSVR, tu peux pas vraiment comparer aux deux autres parce que les autres, ça, c'est l'expérience salon avec ta PS4. C'est beaucoup moins cher si t'as ta PS4, mais là, évidemment, t'as juste le casque. Mais même si tu as le casque et PlayStation a acheté, tu n'as pas besoin d'un gros PC comme l'Oculus. Mais quand tu dis beaucoup moins cher, là, le prix de détail pour la PlayStation VR au Canada, avec le fameux taux de change, ça ressemble à quoi? Là? Fait que tu as le modèle de base qui est seulement la caméra puis les fils ou je sais pas quoi, qui est 549 canadiens. Puis après ça, tu as le bundle pour ceux qui n'ont pas la caméra, qui n'ont pas les manettes de Move. Là, tu as le bundle qui est 699 canadien pour le casque, les deux manettes de Move puis la caméra. Puis le kit de Oculus, Ça, on parle de combien hein, mais, mon investissement? Fait que ça, c'était pour le casque, mais là, le kit d'Oculus, puis là, pour le PSVR, tu as besoin d'une PS4 qui se vend combien en ce moment? Présentement, ils sont 449 à peu près. Il y a toujours 50$ de plus que la Xbox. Ouais, la Xbox, il essaie de la donner à tout le monde là, ces temps-ci. Là. Mais je pense que c'est ça, c'est 449 ou 399. Tout parce que les casques, ils sont à peu près tous dans les mêmes prix, plus ou moins. La différence, c'est que le HTC et l'Oculus, tu as besoin d'un PC avec une GTX 970 minimum ou une AMD 290, ouais, je pense, qui est un ordi à plus que 1000$. Là. Fait que c'est plus ça qui fait une grosse différence pour commencer. Si tu parles de rien, c'est la solution plus chère. Fait que t'as une solution à, mettons, 1005, Taxin, qui est la PlayStation VR, mettons. Tu mets ton casque à 600, ta console à 400, tu rajoutes tes taxes, tes équipements, etc. Fait que, mettons, 1200. 1200 pour la PlayStation VR. Oculus, c'est un ordi à 2005, plus le casque à 600, ce qui fait à peu près, mettons, 3000 de déboursé. Ouais, le casque, en fait, à l'époque, selon le taux de change en janvier, il était 8,49. Ouf! Ouais, fait que plus le PC. Mais il donne une manette d'Xbox 360 avec. Oui, parce que les développeurs avaient déjà, entre autres, Eve Valkyrie, mais les développeurs avaient commencé avec la manette Xbox One. Fait qu'il va donner la possibilité aux joueurs. Mais il n'y a pas de. J'ai entendu que Microsoft, il y a des bonnes chances qu'ils fournissent cette manette-là à leur coût. Ouais, mais. Genre juste comme un coup de pub là, en même temps. Parce Oculus que, disait que ça leur coûtait presque rien d'avoir la manette, de mettre la manette dedans. Parce qu'il parlait du. Le monde, il disait si je veux pas une manette, ça coûte moins cher. Puis les autres, ben, on ne parle pas des détails, mais ça il y a une petite télécommande qui vient aussi, là. C'est ça aussi, là, ça dit. Ça coûte presque rien à produire. Là. C'est surtout l'écran, je pense, qui. Au niveau du Vive, on parle des mêmes prix. Non, là, c'est ça. Le Vive, c'est un peu plus cher parce que là, lui, tu as les manettes qui sont trackées dans l'environnement. Okay. Tu as le casque, évidemment. Tu as aussi deux. Il appelle ça les base stations. C'est les trucs que tu mets de chaque côté de ta pièce qui va être capable de tracker dans ta pièce au complet. OK. Puis, je pense que c'est 15 pieds par 15 pieds. Après, le range qui est tracké. OK. Fait que ça te prend comme une pièce dédiée quasiment pour ça. Là. Wow. Mais évidemment, tu peux le faire assis si tu veux. Puis pas avoir l'expérience où tu te promènes dans ta pièce. Ouais. Ça fonctionne aussi comme ça. Mais c'est ça. Fait que là, lui, il a un peu plus de stock. Oculus, ils disent qu'ils vendent au cost. Valve, probablement, peut-être qu'ils se font une cote dessus. Fait que le Valve, lui, il est 1049, je crois. C'est 1049 Canadien. Pour le casque et les manettes et le base station. Ouais. Ouais, je pense Oculus, t'as juste pas les manettes. Puis dans il le faut peut-être une salle dédiée quasiment à ça. Une salle de 15 pieds. Si ça encore là, ça peut être juste à ton bureau d'ordinateur assis. Mais le plus gros fou, c'est le PC. C'est ça. Ouais. Ok, wow. Fait que dans le fond, on s'entend. Quand on parlait de Dactyl Chase dans le temps que la machine coûtait 20 000, oui, c'est moins cher qu'avant, c'est beaucoup plus abordable. Mais ça reste quand même une technologie qui ne sera pas dans les foyers de tout le monde présentement. Mais c'est comme n'importe quoi, c'est les early adopters. Ouais, au début, les TV 4K, au début, quand c'est sorti, la PS3, quand c'est sorti, le iPhone, c'est quoi, ça sent bien, ça? Pas de contrat, mettons? Ouais, mais c'est ça. L'avenue la moins chère, naturellement, si tu veux le faire, c'est avec un cellulaire. Mais c'est sûr que les early adopters pour le PC, ça va être... Si tu veux... Si t'es prêt à attendre, ben ça va baisser de prix. Les cartes graphiques vont devenir plus abordables, les casques. Mais je pense quand même pour l'expérience, comme tu sais, je parle pas de jouer les high-end games au PC, mais pour l'expérience médiatique, un peu moins jeux vidéo. Plus regarder des vidéos, le cellulaire. Mais ça, je pense que c'est ça qui est mieux pour ça. Mais je dis pas que c'est mieux abordable parce que non, mais je veux dire pour casser. Tu parles d'en faire. Ouais, mais si on parle. Ça serait un bon début. Juste un exemple, la plus haute résolution qu'on a en ce moment, c'est quoi, on va dire, la résolution d'un Vive dans je pense que c'est 2180 peut-être ou. Puis dans un cellulaire, c'est comme ça, c'est un écran 1080p quand même. Là, c'est l'écran du S6 que moi j'ai, mais l'écran du S7, c'est pas 4K encore, là, c'est. C'est ça, parce que là, naturellement, là, on peut s'attendre à des headsets en 4K éventuellement. Ouais, avec les écrans. Ouais. On a Néo Blasted qui nous posait une question sur Twitch tantôt. Il dit est-ce qu'on pense que la VR va faire justement, parce que faisait allusion aux early adopters, les télé 4K, les télé 3D. Lui, il se pose la question, il dit selon nous, est-ce qu'on pense que ça va faire un peu comme cette technologie-là, des télé 3D? Tu sais, que. Disparaître ou. Ben, c'est sorti, le monde les a, ils ont utilisé un peu, mais ça n'a jamais vraiment pogné. Je pense que c'est la même chose. Tu regardes quelqu'un regarder un film en 3D, tu regardes sa réaction, il va dire, OK, tu sais, c'est le fun. Tu regardes à peu près n'importe qui, puis Eric peut en attester. Tu lui montres VR, ils font comme, Aïe, aïe, ça ouais. change tout, là, c'est... Ouais, quand on parle de films, au niveau de l'art, je pense qu'en ce moment, le VR, il y a bien du monde qui ne comprennent pas, je suis convaincu que toi, tu comprends. C'est ça, le problème, c'est ça, c'est faut que tu l'essaies. Mais c'est ça, mais au niveau de l'art, au développement d'un vidéo, de passer un film, passer un message, c'est tellement plus lourd. Mais je trouve qu'il y a un enjeu aussi où les gens, tu sais... Moi, je pense que ça va pogner, puis je pense que ça va évoluer, puis c'est la pointe du iceberg, parce qu'effectivement, quand tu l'essayes, tu comprends c'est quoi. Mais il y a aussi le fait que, tu sais, 3D, ça limite. C'est limité à un média, ils ont essayé de le faire avec les jeux, ça limite à, tu regardes ta télé avec les lunettes, puis ton écran te transforme les choses en 3D, puis that's it. T'as pas ta télé tapée dans ta face, avec quelque chose qui track, puis tu peux regarder 360 degrés. T'as pas l'immersion que ça va apporter aussi. Fait que, tu sais, moi, je pense pas que ça va faire comme la 3D. Puis, ce qui est cool aussi, c'est que il y a des moyens, il y a un tremplin. Tu sais, on s'entend que Gear VR, là, c'est le gateway drug, là. Ça, c'est le pot, là. Tu sais, c'est ouais. comme, tu goûtes un joint, puis t'as du monde qui vont se dire, ben, OK, un joint, c'était cool, mais je veux d'autres choses. Pour regarder des films, c'est parfait. Fait que, tu sais, le Gear VR, c'est la solution abordable de quelqu'un qui veut triper. Mettons moyen de gamme, tu sais, encore plus abordable que ça, t'as le cardboard. C'est ça, fait que, tu sais... Que tu peux regarder tes vidéos 360 aussi. Puis c'est là que tu comprends comment ça fonctionne. Ton Moto G 2015. Ouais. Ça, c'est l'équivalent d'acheter un DVD player au Family Prix, genre. Non. Ça fait la job. Ça, il est 15$, il fait la job. Bon, on s'entend que le téléphone que vous avez dans les poches présentement avec lequel vous nous écoutez fait probablement la job pour écouter du. Ben, déjà, Google c'est ça. Cardboard. Déjà, vous regardez vos vidéos sur votre téléphone. Fait c'est juste la même chose. C'est ça. C'est un appli, mais comme c'est 360, là, il tourne la tête, puis le sensor dans ton téléphone. C'est une question, dans le fond, là, de grosseur d'écran, de qualité d'image, de qualité de processeur pour aller dans des technologies. Tu sais, le Gear VR, comme tu l'as mentionné, les sensors qui sont dans le casque, qui aident aussi le téléphone à se localiser, l'application. Mais en réalité, du VR, il y en a pour tout le monde présentement. Ouais. Fait que, tu sais, tout le monde. Puis il y en a plein d'autres qui vont sortir encore. Là. Ouais. J'ai des imitations qui ont commencé à sortir. Sort ton Moto G 2015, là, check dans la Play Store. Fais juste mettre VR, tu vois, il y a plein de jeux poche, mais il y a des jeux VR. Puis dans YouTube, fais juste faire hashtag 360 vidéos, puis tu vas avoir toutes les vidéos là-bas aussi. Déjà, on s'entend que c'est un succès comparativement à 3D où il fallait que tu achètes tes films 3D, les mêmes films que tu avais. Tu payais plus cher pour tes films parce qu'ils étaient en 3D. Il fallait que tu aies la télé 3D, il fallait que tu achètes tes lunettes à part. Tu avais la 3D active, 3D passive, tu avais un paquet de trucs. Fait que tu sais, on s'entend, la 3D, ça n'a pas pogné parce que, selon moi, puis corrigez-moi si je me trompe, mais c'est une technologie qui a mal été pensée, tout simplement. Moi, je la trouve mal pensée. C'est correct. Comment les gens l'utilisaient, peut-être. C'est ça. C'est... Puis là, on a le cinéma 3D en ce moment dans les cinémas, puis... C'est quasiment standard, les gros films en 3D. Je suis juste content qu'ils aient ajusté le fucking brightness, parce que j'ai encore Thor 2, Ragnarok. C'était-tu le 2, Ragnarok? Non, en tout cas, Thor 2, là, 2 il était tellement sombre. Ouais. Ben, c'est ça. Mais tu sais, tu peux avoir quelque chose de sombre et foncé, mais c'est bright pareil. Parce que là, le film est foncé, tu rajoutais tes lunettes, puis là, c'était comme, je vois fuck all. Je suis sûr que c'est cool, mais je vois rien. Ouais. Tu vois juste Kat Dennings qui chiale, puis tout. Hey, 2h15 de Kat Dennings qui chiale pour 16,50. C'est grave, en 3D. Ouais. Mais non, je pense que c'est pas mal unanime, ça fera pas comme le 3D. Il y a déjà des studios de jeux vidéo qui sont sortis juste pour faire des jeux VR. T'as des gens, t'as entre autres Spielberg qui ont décidé de faire des projets en réalité virtuelle aussi. Pas des trucs que tu voyais en 3D, là, l'engouement est vraiment assez fort pour soutenir les développeurs, les créateurs de contenu, puis les spectateurs aussi qui en demandent. Là. Voir un film, puis tu me dis ça avec des Spielberg, là, voir un film en 360, comme on peut parler de toutes les choses que ça offre, là, puis j'en ai parlé un petit peu avant, mais moi, ça me fait halluciner. Les possibilités sont folles. Tu es dans le contexte de l'histoire, dans le trailer de l'Assassin's Creed DLC, tu suis... C'est comme c'est tellement bien réalisé que tu suis naturel. On dirait... Comme l'art de réaliser un film comme ça, ça va être l'art de diriger l'acteur qui est la personne qui regarde. Peut-être te faire comme, tu te rends compte où ce que tu regardes, mais il faut que tu te regardes des bonnes places. Puis, il y a des films qui réussissent. Là, c'est tellement hallucinant. Tu peux le regarder à répétition. Là, ouais, tu peux voir plein de différentes versions. Tu dis, je vais regarder le même film en regardant en arrière. Tout là, quelque chose qui change avec ça, c'est comme ta caméra filme partout en même temps, mais tu fais quoi avec l'équipe de tournage? Tu fais quoi avec la caméra? Tu fais quoi avec... c'est toute une autre méthode, une autre façon de penser. Ça réinvente beaucoup, mais c'est con à dire, mais j'avais lu un passage, je pense que c'était sur Wired, qui parlait justement du monde du porn, puis qui disait justement, tu sais, nous autres, on a commencé à filmer des scènes d'immersion de porn pour la VR. Puis le gars, il dit, ouais, ok, mais ça, c'est correct. Il dit, c'est quoi le plus gros défi que vous avez eu? Il dit, ben, c'est justement, il dit, d'habitude, là, t'as une scène, c'est devant la caméra, puis en arrière de la caméra, ben, t'as une maquilleuse, un gars de sound, le producteur, les acteurs qui vont arriver dans la scène par après, l'éclairagiste aussi. Il dit, tu sais, c'est sûr, là, il dit, le monde. Puis j'ai trouvé l'article drôle parce que l'industrie du porn, c'est une industrie qui se prend pas très au sérieux, puis ils ont une manière très graphique d'expliquer les choses. Puis tu sais, c'est pas juste 4-5 galouches qui sont là puis qui regardent du monde fourré en avant. Il y a vraiment une production en arrière de ça. Puis là, il dit, faut que tu prennes tout ça, puis là, tu te lances dans un univers où, du jour au lendemain, là, l'auditeur, il peut juste décider de servir le bord et de regarder à gauche. Puis le champ de vue d'un humain, on s'entend qu'on voit quand même assez large en termes de degrés. Fait qu'il faut s'assurer que le champ de liberté qu'on laisse à l'utilisateur, il est tenu compte. Fait qu'eux autres, le plus gros défi qu'il y avait, c'était ben, comment justement je m'assure que mon production team se fait pas voir par le user. Parce qu'on s'entend qu'il dit, oui, d'un film, c'est plate, mais imagine-toi en plus dans un film à caractère pornographique où le gars, il est dans sa scène bien intense, il servait de bord, puis il voit un gars manger un beigne puis tenir une perche. Mais imagine t'sais. Comment que ça peut être encore plus drôle aussi en même temps. Moi, je serais crampé, là, tu servais de bord, tu serais comme, bon, OK, il y a un gars dans le coin, drôle. Là, c'est weird. Je dois avouer que c'est très technique, filmer avec une caméra 360 pour le money shot d'un film pornographique. Ou du Spider-Manning. Ou le Spider-Manning. Très important. Le Spider-Manning, très important. Mais parlant de ça, un peu parlant de l'immersion, tu sais. Ah, pas de Spider-Manning. On l'a vécu il y a quelques années en l'essayant avec toi, puis même tantôt, tu sais, on l'a vu, tu sais, quand tu rentres dans l'univers de la VR. J'ai lu un article cette semaine qui mentionnait quelqu'un pendant les essais de jeux d'Oculus. La journaliste, je me souviens plus, je crois que c'est sur Kotaku, justement. C'est-tu Ali Robertson? Ah oui, je crois, je me souviens plus. Non, c'était Kaza McDonald. Une dame blonde avec des... Ouais, c'est Kaza McDonald. Elle a dit, tu sais, elle l'a essayé vraiment, tu sais, 6 heures de temps à jouer, puis là, les nausées. Fait que tu sais, on a une Tawa qui se demande, justement, tu sais, c'est quoi le pourcentage des gens qui font des nausées? Est-ce qu'il y a des stats déjà qui ont commencé à ressortir? J'imagine que dans un gouvernement où la santé est une industrie, il y a des gens qui bavent et qui salivent en checkant ça en se disant « Hey my God, on pourrait faire de l'argent sur le dos de la VR. » Fait que tu sais, y a-tu des statistiques déjà qui ont sorti de ça? Pas vraiment. On sait qu'il y en a encore qui sont sensibles à ça et qui sont malades. En même temps, ça dépend de ce que tu fais. Si t'as vu Hardcore Henry qui s'en vient bientôt? Non, j'ai pas vu. Oui, c'est le film First Person Shooter avec Christopher Waltz. Ouais, c'est ça. Puis avec Charlton Copley, là. Oui, oui. Que là, la caméra, elle va partout. Puis imagine sur le grand écran, il y a du monde qui va être malade avec ça, là. Oui, c'est clair. Fait que ça dépend comment. Ça dépend pas juste de la technologie, ça dépend du contenu aussi. Ouais. T'as des jeux qui sont mal faits, puis qui vont te rendre malade, du contenu qui est mal fait. Mais oui, la technologie, c'est sûr que ça aide pas. Mais encore là, il y a un système de classification qui est en train d'être implémenté. Fait que t'as des jeux qui vont être catégorisés plus comme intensifs. Fait qu'admettons les trucs de jumpscare ou les films d'horreur que tout d'un coup t'as un bonhomme qui apparaît, ben tu veux peut-être pas que ton grand-père joue à ça. Est-ce que c'est l'industrie elle-même qui a décidé avant qu'un gouvernement s'en implique de se réglementer ou c'est une association quelconque? Je donne un exemple comme l'ISRB, dans le fond, c'est l'industrie du jeu vidéo, ben oui, eux-mêmes exactement. Qui ont créé une organisation avant que les gouvernements se mettent le nez dedans. Ben, c'est la même chose pour ça, parce que les compagnies veulent pas que, comme ton grand-père, essaye un truc d'horreur, puis que... Ouais, fait que tu sais, ton grand-père qui joue à Aliens Isolation, puis qui a pas catché qu'il faut qu'il se cache Pour l'instant, c'est plus une classification qu'une réglementation. Mais l'ISRB n'est pas une réglementation C'est une classification. Exact, c'est volontaire. Mais ce qui est cool, c'est que justement, ça va peut-être conscientiser les gens sans qu'on se rende à un extrême, parce qu'on a eu Jean-Philippe Descarie-Mathieu, dans le fond, qui était venu quand on a parlé de sécurité et sécurité informatique, puis on parlait justement de déontologie, un peu de l'utilisation de la technologie, des technologies émergentes, tu sais, qu'il n'y a pas de cours comment utiliser un Facebook de façon sécuritaire. Ben, tu sais, c'est cool de voir que l'industrie du VR comprend ça, puis essaie d'avertir les gens, tu sais, ils veulent éviter les poursuites aussi. Ben, c'est clair. Mais un des trucs qui est intéressant, puis qu'on ne voit pas avec les jeux vidéo, c'est qu'un casque comme Oculus, puis Vive, ils disent c'est 13 ans et plus. PlayStation, ils disent c'est 12 ans et plus. Ça, c'est parce que les enfants, à cet âge-là, qui sont encore en train de se développer. Là, il est en train de se de continuer. Le 3DS avait quelque chose comme ça aussi avec ouais. le slider qui ouais. mentionnait que c'était pas pour les 5 ans et plus jeunes. Eux, c'était, c'est ça, je pense que c'était 7 ans ou quelque chose de même. C'est le même principe parce que là, ça joue avec ta vision. Là, on est en train de tromper ta vision puis te faire croire que t'es à une place que t'es pas. Fait que on ne sait pas encore s'il y a des impacts sur les enfants en croissance, mais ils veulent pas prendre de chance. Fait que c'est pour ça qu'ils disent 12 ans ou 13 ans. Est-ce qu'on s'y habitue? Tu sais, voulant dire, toi, tu dois consommer de la réalité virtuelle sur une base quotidienne, j'imagine? Presque. Est-ce que tu t'y habitues? Tu sais, c'est quoi le plus long que tu as pu jouer dans la VR, dans le fond? Moi, j'avais essayé Mirror's Edge, je pense, pendant 2 heures. OK. Vers le début, avec le... Mirror's Edge au PC. Au PC. Ouais, ouais. Mis sur Oculus, ouais. Ben, qu'il y a une façon de jouer en réalité virtuelle, là. C'est pas un mode ça, le 2 avec PlayStation VR, ça va probablement être débile. Mais tu pourras pas, ça sera pas compatible. Parce que le jeu a pas été designé pour ça. Non, mais il faudrait qu'il fasse une patch. Mirror's Edge 2. Non, mais c'est la même chose. Mais il faut qu'il fasse une patch pour ça, j'imagine. S'ils font pas ça, c'est pas quelque chose de confortable ou d'agréable. Si le jeu a pas été pensé pour la VR, surtout, Nailin a fait des roulades pis tout. Ta tête est fixe. Mais parce que la caméra, elle tourne, oublie ça, t'as mal à la tête, t'as mal au cœur. Mais là, toi, 2 heures dans le fond, puis tu te sentais comment après 2 heures? Ah, c'est correct, là. Moi, je suis pas très sensible à ça. OK. Parce qu'il y a un niveau de sensibilité qui varie d'une personne à l'autre? Oui, parce que dépendamment comment notre cerveau est fait, comment on réagit différemment, il y a du monde qui a le mal de transport, il y en a qui l'ont pas. Je connais du monde qui a juste joué un first person comme Call of Duty ou de quoi, ça. Ouais. Ça fait qu'on réagit tout différemment, mais oui, il y a des gens qui ont dit après une utilisation répétée, que leur sensibilité diminuait. Okay. Fait qu'on peut s'habituer à ça, dépendamment si c'est ce qu'on veut. Ou... Mais j'imagine aussi que le contenu doit avoir un impact sur la longueur d'utilisation. T'sais, je donne un exemple, quand on streamait l'autre fois et qu'on jouait à Outlast. T'sais, écoute, à force de te sauver de luxonner, à un moment donné, t'as peur aussi. Fait que, t'sais, j'imagine, si tu joues à un jeu, un simulateur de montagne russe, ben... La montagne russe, dans la vraie vie, t'as fait 6 fois de suite, t'es habitué. Mais j'imagine de la faire 6 fois de suite dans la réalité virtuelle, tu t'habitues aussi également à un moment donné. Fait que le contenu doit avoir un impact sur la longévité d'utilisation. Un des trucs que j'avais essayé, c'était un engin de jeu où tu peux spawner des véhicules, puis te promener, puis t'es un peu sur la terre. J'avais essayé, j'avais pris un jet fighter, j'avais commencé à faire des tonneaux, comme sans arrêt, là. Des barrel rolls. Ouais, c'est ça. Des barrel rolls. En tournant, j'en ai peut-être fait une vingtaine ou je sais pas quoi. Puis à la fin, je commençais à avoir un peu... Je pense que je commençais à être un peu sensible à ça parce que c'était intense. Ben mais fais ça dans la vraie vie, tu vas avoir la même chose. Là. Ben, c'est parce que le monde est pour acquis que c'est du fake. Puis tu sais, même nous, je pense un peu, il y avait le l'aspect, tu sais, l'orgueil. Puis non, moi je sais que c'est un casque, puis ça me fera rien. Puis finalement, tu fais la mission, tu fais « Wow, t'as peur! » Je me souviens, le simulateur de saut de Matrix, le premier qui m'a donné un gros feeling, parce que d'un, j'étais pas bon dans ce simulateur-là, fait que je tombais pas à peu près. Mais en tombant, justement, quand tu regardes, puis là, t'as le sentiment, puis tu te sens tomber, là, c'est fou. Là. Un des exemples que j'aime le mieux, c'est une expérience où... Admettons que tu es en 2 buildings, il faut que tu traverses sur une mince planche de bois. Oui. Faut que tu manges sur cette planche-là pour traverser. Puis je pense qu'il disait 7 personnes sur 10 peut-être, je sais pas quoi, sont pas capables de faire un pas, ils ont trop peur, ou tu leur dis mets le pied dans le vide, qui dans la réalité en fait est juste le plancher, puis le cerveau il bloque là. Il dit comme 7 personnes sur 10 peut-être là. Ils disent « Non, non, regarde, c'est du vide, là, je vais tomber, fais pas ça. » Puis t'en as peut-être 2-3 sur 10 qui eux disent « Non, non, qui sont capables de se convaincre, puis de convaincre leur cerveau, puis de dire « Vas-y. » « Non, c'est correct, c'est safe, puis... » Donne-moi juste un instant, Jean-Luc, je t'interromps quelques instants. Fait que ça vient de chier l'enregistrement, mais on va aller reprendre l'audio de Twitch, fait que vous êtes chanceux sur Twitch, vous avez eu... du contenu de qualité d'avance, puis peut-être que cet épisode-là va se retrouver aux poubelles, puis j'espère que non, parce qu'il était vraiment bon. Au pire, je prendrai juste l'audio de Twitch, ben ouais. Puis je vais le segmenter, ben oui. Puis that's it, fait que puis je mettrai mon orgueil de côté, tu sais, c'est pas comme si nos c'est pas comme notre audio, c'est de la merde. Qu'on fait ça. Ouais. Ça fait juste 4 ans que vous faites ça. Ça fait juste 4 ans que je fais ça, c'est une crise de laptop d'amende. Bon! Alors, Eric, tu avais une question pour notre cher ami Jean-Luc. Oui. Mis à part le PlayStation, dans le monde du PC, avec, on dirait comme tu as Oculus, qui ont parti leur propre maison de publication. Et puis ils vont leur studio de développement. Ils vont faire leur jeu Le Vive, c'est Steam, c'est une entente avec Steam puis HTC. T'as le Steam VR qui ont de ça. Quand ça vient à le développement ou le fonctionnalité des menus, des affaires comme ça, est-ce que les VR PC vont jouer ensemble comme des amis? Fait Oculus ont déjà dit que tu pourrais jouer à des jeux de Steam, je crois, avec Oculus. Ouais. Ouais. Puis là, la question, c'est de savoir est-ce que les trucs. Parce que là, Oculus, on va avoir leur store. Steam, évidemment. On le leur. Donc là, est-ce que quand tu as le Vive, tu vas être capable d'accéder à du contenu qui est sur Oculus Home, qui est sur le portail d'Oculus? Mais ça. Puis est-ce que. C'est-tu dépendant sur. Fait qu'il n'y a rien de confirmé, mais ça serait c'est fucké, ça serait le contraire. C'est pas comme un écran d'ordinateur, parce que c'est pas une manette. Comme c'est pas une approche de manette, tu comprends, comme t'as les compagnies en arrière, mais ça reste un accessoire. Fait que ça devrait fonctionner avec n'importe quoi. Tu le mets comme c'est Windows. Ça dépend, j'imagine ça, que est-ce que. Faut que tes drivers soient capables de le reconnaître. Ben c'est ça, parce que les drivers, c'est l'ordinateur ou c'est à travers du fait que d'un SDK, t'as des drivers installés pour chacun des casques. Pour que le système le reconnaisse. Mais du point de vue du jeu, tu sais, je t'en ai un exemple. Regarde, mettons, t'as le Vibe qui fonctionne d'une chose, t'as le Oculus qui fonctionne de l'autre chose. Au niveau du jeu, est-ce que le jeu doit son codé? Tu sais, je t'en ai un exemple, mettons, Adrift qu'on parlait tantôt. Ouais. Est-ce que ça, c'est codé ou Oculus est built-in dans le jeu pour que ça soit tweaké et que ça fonctionne bien? Ou est-ce que, ben, tu sais, HTC Vive, qui est une autre technologie, ça fonctionne pas nécessairement de la même manière, j'imagine. Les capteurs doivent pas envoyer l'information de façon similaire. Non, mais là, t'as l'information qui est envoyée par le casque, qui est la position, mm-hmm. puis la rotation. OK. Puis t'as le jeu, après ça, qui prend cette information-là. Fait que si elle reçoit ses coordonnées, position puis rotation du casque, après ça, que ça soit un Oculus ou un Vive, le jeu va utiliser ces données-là pour interpréter puis faire bouger l'image. Fait que l'important, c'est le data qu'il reçoit, pas nécessairement la façon dont le casque fait juste envoyer une information. Hein. Fait qu'après ça, c'est le jeu qui doit être capable de recevoir interpréter. Une information. Il reçoit une vidéo dans le fond. Bon, en fait, c'est l'écran lui reçoit le feed visuel de ton port HDMI comme ton moniteur se reçoit. Là. C'est ça. Fait que, en tout cas, pour répondre à ma question, personne ne confirme rien parce qu'ils protègent leur magasin. Oculus a confirmé que ça va marcher avec Steam. Ouais. Ouais, puis que tu peux jouer à des trucs qui viennent pas de leur store. C'est pour ça que le porn va pouvoir fonctionner sur l'Oculus parce que les autres ils ferment pas leur. Le Vive fonctionne pas sur le Vive, il n'y a pas de porn. Je sais pas, ils ont rien dit, ils ont pas commenté. Moi, je pense que Oculus est open source. Oculus, c'est ouais, pas mal. Leur store, le contenu, c'est vraiment open. Fait qu'il y a des trucs qui vont être sur le Oculus Home. T'as même une section qui va s'appeler Concept, où là, c'est des trucs qui sont peut-être pas... Finis vraiment. Ouais, ou c'est plus des expérimentations que là. Que tu peux acheter un Founder Pack à 20$, dans le fond. Par exemple, justement, les menus, parce que ça, c'est... On parlait d'interface un peu au début, puis tu parles des menus, mais j'aimerais ça juste mentionner, dans le Gear VR, t'as un genre de mock-up du Oculus menu. C'est plus le Samsung Gear VR menu. Ouais. Mais tu embarques ensuite dans le Oculus vidéo, que je pense que c'est quelque chose de mais plus. Mais même le portail que tu vois, la boutique, ça, c'est Oculus. OK, ah, cool. Ben, fait que c'est Oculus Home, fait que ça va être une interface semblable. Puis juste pour le décrire pour les auditeurs qui n'ont jamais fait ça encore, t'es dans un beau loft condo épique qu'on dirait qu'il est dans les nuages. Je suis en train de décrire l'interface, là. Puis tu vois des fenêtres, pense à un menu Xbox un peu, mais juste les fenêtres. Puis t'as ça qui flotte dans ta face, puis tu sélectionnes qu'est-ce que tu veux. C'est là-bas. Comme dans Minority Report. Mais c'est ça, les menus, les interfaces sont hot, parce que dans le vidéo de Oculus, quand tu rentres dedans, où est-ce que t'as le magasin de leurs vidéos, puis les channels, t'as Twitch, puis tout ça, ben tu regardes alentour, puis c'est comme si t'es à Hollywood avec les lumières partout. C'est vraiment cool. Là. Ouais, c'est bien fait. Et je dis ça de même, parce que je pense à ça quand t'en parles, Eric. Comment dire ça, le devant de toi, là, quand tu l'ouvres, là, c'est toujours au moment que tu l'ouvres qui est le devant de l'animation, genre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben ici, tantôt, exemple, quand j'étais dans le chalet de Netflix, là, je vais l'ouvrir, il va me popper la TV d'en face, ouais. ou C'est ça. C'est fait le développeur, c'est probablement, qui dit l'orientation. Ça, c'est par défaut, ça start là. Fait que t'as pas le choix de bien t'asseoir dans ton divan, exemple, avant de le starter, puis pas de le partir pendant que t'es en train de marcher, puis tout, parce qu'après, tu t'assis, puis comme, ah, fuck, non, je regarde à droite justement, tout le temps, Ben, c'est ça, ça, c'est un exemple. Ah, t'es en train de montrer un... Ben, tu vois, ça, ça, c'est bien. On est en train de regarder une vidéo en ce moment où ce qu'on voit comme un monde, puis t'as ta fenêtre d'ordinateur qui est dans l'espace, dans Galaxy, un peu, c'est vraiment... T'es comme pas trop perdu. Ah, en fait, t'es un peu perdu, mais... Tu sais, en réalité, là, puis... Mais il y a un web browser comme ça dans le Gear VR, fait que tu pognes un peu ce feel-là, Mais on en avait parlé un peu aussi dans le dernier épisode qu'on avait fait ensemble. Je vous invite encore une fois, l'épisode 51, il y a beaucoup de stock qui était cool de discuter. On venait d'essayer du VR. On venait d'essayer du VR, puis on était des petits-enfants excités, là, mais... Tu sais, là, on parle beaucoup de jeux, on parle beaucoup de divertissement, mais... Il va y avoir d'autres applications pour le VR aussi également. Tu sais, tu parlais de, justement, quand tu as essayé une démonstration où Tupperware. Tu t'interagissais dans un environnement avec quelqu'un, puis tu sais, t'avais une autre personne qui s'est joint à toi, mais ça aurait pu être une personne à l'autre bout du monde. Mais là, les implications d'utiliser un monde virtuel sans frontières, sans rien, où les gens peuvent interagir dedans, ça se limitera pas juste aux jeux vidéo puis aux films. Il y en a déjà le... Éric parlait de lecteurs de vidéos. Fait que t'as déjà ça, t'as des cinémas virtuels qui existent. Qui sont écœurants, on parlait de ça au début, ouais. Où là, t'as une salle de cinéma, tu te rencontres, tes amis aussi se rencontrent à la même place. Puis là, tu regardes un film, admettons, comme si t'étais au cinéma avec tes amis autour. Un écran de 25 pieds dans ta face. Puis en plus de ça, tu peux changer de cinéma. Tu veux pas être dans le cinéma, tu veux être à la lune. T'as le choix d'être dans sa lune. Si tu veux être dans un cinéma maison, dans une mansion, où que tout le monde est dans des beaux Lazy Boys, tu peux faire ça aussi. Ça, c'est en fait, c'est un bon point. C'est juste le petit écran de ton S6. Ouais. Ben, tu mets ton téléphone là-dedans, puis ça crée un téléviseur de 90 pouces dans un chalet. Ben moi, tu vois, c'est con, mais dans le temps, je me souviens, il y avait une compagnie au début des. Je pense que c'est des années 2000 qui avait marketé une histoire comme ça avant les Kickstarter de ce monde, avant les Indigo. Eux autres, c'était tout simplement. T'as un écran d'en face que tu t'assis dans le train, peu importe. Il y en a une couple. Puis t'as une TV de 70 pouces devant toi HD. Puis le monde est riait de ça un peu. Il faisait ben ouais, non. Encore une fois, les limitations semblaient freiner l'avancement. Parce que celle-là, qu'est-ce que tu oublies de mentionner dans ces exemples pareils-là, c'est que t'avais un gros. Un gros bloc à côté que tu pluguais ton contenu dedans. Sony en avait un, le HMZ, c'est leur gamme de casque que tu te mets ça sur la tête, puis c'est un lecteur vidéo où là, t'avais ça devant les yeux, puis c'était comme si tu regardais un écran. Parce que moi, tu sais, au même principe que j'aime jouer avec des écouteurs maintenant, tu sais, t'as bien du monde. Mon système de son de 5000 watts qui dérange les voisins, puis sais-tu quoi, t'entendrais jamais mieux qu'avec des écouteurs qui te pitchent le contenu direct dans les oreilles. Fait que quand je game avec mes écouteurs. Mais sais-tu quoi, le fait de pouvoir gamer avec un casque aussi, puis sans même être en VR, mais tout simplement le fait que d'avoir une lunette, puis comme Eric il dit, là, moi j'ai un écran de 80 pouces d'en face, j'ai des en quad HD ou whatever, puis en plus j'ai le son qui est lancé direct dans mes oreilles. Juste ça, je trouve. Je le ferai tout de suite. Je paye mon argent, là. Je pitche ma carte de crédit à l'écran, là, puis je vais acheter, là, parce que c'est le fun, tu sais, ça augmente l'immersion, puis, tu sais, on s'entend, tu veux t'acheter une TV de 80 pouces en Ultra HD 4K, tu ne payeras pas le prix de ton téléphone par mois plus un casque à 100$. Là. Le problème, c'est si tu veux écouter ce film-là en gang... Mais là, ça te prend chacun un casque ou. Ouais. Tandis que là, chez vous avec ta TV, mais là, c'est ta famille assise sur le divan. En tout cas, pour un Forever Alone, le VR, c'est la meilleure affaire que jamais arrivée à la vie. Oui, parce que ça te permet de se connecter. Ben, ton petit studio de cul, là, pis t'as ta télé de 22 pouces, là, tu pognes ça, pis ça mais change. Juste tout, l'image aussi, c'était super drôle quand ils ont fait la conférence d'Oculus où tu vois tout le monde qui a un casque sur la face, pis t'as Mark Zuckerberg qui arrive, qui marche à côté, mais tu sais, c'était l'aspect. Je trouve que cette image-là reflète un futur qui est hautement social sans l'être en même temps, parce qu'ils sont tous dans la même pièce, chacun avec leur casque, puis t'as le gars qui arrive à côté qui marche pour aller vers un stage. Mais tu sais, rendu là, fais pas de walkway, fais pas de stage, tout le monde va avoir un casque d'en face anyways. Fait que tu sais, ben c'est un des trucs qu'il disait à la récente la dernière conférence d'Oculus, c'est que à la fin, à l'E3, t'auras pas besoin de te déplacer là. Pas besoin de si tu viens d'Australie, t'auras pas besoin de payer ton billet jusqu'à Los Angeles. Là. On va tout pouvoir faire présence puis comme Blizzard, on va pouvoir acheter nos billets de BlizzCon puis assister à BlizzCon en ligne et en VR, tu sais. Il va avoir mais il y a un gars qui va se promener avec une caméra 360 là-dedans, puis tu pourrais ça c'est une chose que tu pourrais faire ou ce que tu es la personne qui se promène avec il va y avoir des nouvelles caméra. Jobs, ça va être le gars que sa job va être d'aller vivre les expériences avec la caméra 360. Mais tu sais, t'as les. Qui va faire vivre aux autres. T'as les segways avec les iPads, là, de téléprésence. Ouais. Où c'est ton visage qui est dans l'écran de iPad, puis tu contrôles à distance, puis là, ton petit robot, il s'en va à t'imiter. Une caméra 360 là-dessus, puis c'est. Mais tu sais, c'est quand dire, parce que t'as beaucoup de compagnies. Tu sais, je te donne un exemple, c'était quoi? C'était Verizon, qui ont engagé une fille qui faisait du Snapchat, puis ils l'ont envoyé pour. Ils ont fait un peu un promo plan pour leur. Leur plan, dans le fond, mondial. Parce que Verizon, dans le fond, ils ont un plan mondial où peu importe, tu peux roamer, avoir tes datas, puis ça coûte rien de plus. Puis elle se promenait, puis elle était comme, hey, aujourd'hui, on est à Montréal, on s'en fait telle chose. Hey, aujourd'hui, on est à Lisbonne, puis on va faire telle... Mais tu sais, ces gens-là qui sont un peu, tu sais, là, c'était des médias pour représenter le lifestyle, tout le kit. Mais là, tu vois, le gars que sa job, à lui, ça va être, bon, OK, tu t'en vas au Taj Mahal, là, puis là, promène-toi, puis filme. Puis là, tu sais, le même principe que la voiture de Google là, ça va être qui un se promène robot. Puis qui fait les photos de Google Maps, là, ben tu vas avoir un dude que ça va être sa job, ça va être genre, bon, ben let's go, mets la caméra, va grimper. Il y a déjà un dude que c'est ça sa job. Mais tu peux déjà regarder des photos de Street View avec un casque virtuel. Wow. Donc, ça doit être malade. Il est déjà scanné, là, les photos sont déjà prises, tu peux déjà te déplacer à côté du Taj Mahal. C'est-tu quoi en plus? Ils vont pouvoir, là, ça je m'en vais un petit peu pousser, mais tu annonces que tu as une caméra comme ça dans des lieux publics, touristiques, puis tu le donnes accès à tout le monde. Mais en donnant accès à tout le monde, c'est aussi une manière de surveiller cette place-là très bien, parce que tout le monde qui est les utilisateurs sont en train de faire ça, puis tu peux te mettre une belle caméra publique, puis dire « Hey, dis allô à n'importe qui est là sur la planète ». Puis, parce que là, en fait, si t'as une caméra live comme ça, les gens capotent. Tu sais, même les répercussions, tu sais, il va avoir la possibilité, tu sais, j'en viens à Ready Player One, mais tu sais, le fait que le monde dans Ready Player One. Ah, ça m'a donné un papillon vert. Vont à l'école dans le VR, puis tu sais, c'est. Les implications, moi, c'est ça qui me fait capoter. Ça, c'est une implication très forte. Là, on focus beaucoup sur le jeu vidéo. Le porn puis ces affaires-là qui sont souvent qui sont souvent des choses qui drivent la technologie. C'est quoi on dit, mais le porn et les jeux vidéo font les avancées technologiques, mais les implications sociales de ça va être fou là. Mais c'est comme le téléphone cellulaire, c'est comme l'ordinateur, tu sais, tu vas à l'école maintenant à distance, mais avant tu avais ton papier, ton crayon, maintenant tu arrives à l'école, tu as ton ordinateur, tu te logins, tu travailles dessus. C'est le même. Ben, tu sais, j'avais vu une entrevue, je pense que c'était Véronique Cloutier qui montrait son setup de radio à la maison. Fait que tu sais, elle a un show de radio le matin, mais elle a comme son ordi, son micro, ses affaires de même, puis là c'est connecté, puis ça passe par telle affaire, puis il y a les protocoles. Mm-hmm. Puis tu sais, elle expliquait, elle dit, tu sais, le défi, ça a été d'apprendre à parler avec des gens, puis garder la chimie qu'on a, mais à distance, comme plusieurs podcasteurs tentent de le faire. En faisant des podcasts via Skype, ce qui est pas évident, j'en ai fait quelques-uns, Eric en a fait quelques-uns aussi. C'est pas facile, mais ça se fait quand même. Mais là, imagine-toi, là, on va rajouter l'aspect où tu te transposes à quelque part, tout simplement. T'as ton champ de vision, t'as ta liberté de vision aussi également. T'interagis par la voix, tu vois, tu vas même pouvoir manipuler avec les nouvelles manettes. Ben oui. C'est incroyablement là, sexy comme technologie, là. Mais là, c'est la même chose, là. Tu vas pouvoir avoir ta salle de cours, mais là, ça va être une salle de cours virtuelle, mais tu vas avoir tes amis aussi qui sont là, qui bougent, qui s'en vont s'asseoir à leur pupitre, puis... Ben, tu parlais même que tu avais écouté des films en ligne, puis tu voyais des têtes se retourner, puis tu regardais toi. Ouais, pis... c'est ça, avec la salle de cinéma virtuelle, les gens qui sont autour de toi, mais là, eux peuvent te regarder, puis là, tu vois leur tête tourner comme si c'était leur tête à eux, même si c'est un avatar, mais c'est... Mais ça, c'est freaky, c'est un peu, le genre de creep qui fait rien que te regarder toi, dans le film. Oh, mais comme dans la vraie vie, comme... Ouais, c'est... mais non, dans la vraie vie, je ferais pas ça. Personne se lèverait à aller en avant de l'écran puis fixer le monde pendant une heure de façon awkward. Je le ferais dans le VR, il y a du monde qui va le faire. Dans le VR, ça risque d'être socialement inacceptable puis que ça se fasse pas. Mais tu viens de toucher un point, justement. Ils vont me ban. Qu'est-ce qui va être acceptable, socialement acceptable. Tu sais, là, ça va être un peu, tu sais, je te donne un exemple, regarde, le scandale de Marie-Chantal Toupin pis les caps lock sur Facebook, elle, moi, j'écris en caps lock, ça veut dire telle chose, pis t'as 100% d'Internet qui font, non, ça veut dire que tu cries, arrête d'écrire en caps lock. C'est des conventions sociales. Ben, c'est ça. Imagine-toi, les voir, c'est tout ce domaine-là de conventions sociales de qu'est-ce qui est convenable, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est agressant dans le VR, tu sais. Tu pourras pas, mettons, comme passer une heure à fixer quelqu'un d'un virtual theater parce que ça sera pas convenable selon le... À la GDC, il y avait une conférence d'un designer de Minority Media qui est un studio de jeu à Montréal qui ont fait Papua New. Leur prochain jeu, c'est souvent des jeux qui attaquent des sujets sociaux. Leur prochain jeu, c'est sur le bullying. Fait que là, maintenant, tu vas pouvoir... Au lieu que tu joues à The Division puis t'as quelqu'un qui t'insulte, mais là, la personne... Non seulement tu vas l'entendre, mais elle va pouvoir se venir être direct dans ton visage, à 5 pouces de ta face, mettons, puis commencer à t'insulter, puis ça, elle va être direct devant toi, là. Fait que ça va être quoi, le... Fait que ce que le game designer de la compagnie parlait, c'est que ils ont commencé à travailler sur différents moyens, entre autres, admettons, t'as un cercle autour de toi de 2 pieds, puis il y a personne qui peut... Comme, si la personne avance plus que à l'intérieur de ton 2 pieds, ben là, son avatar disparaît. Ah, comme un peu, tu sais, je te donne un exemple, quand ils font, c'était quoi, c'était la 3e loi, quand ils, tu sais, dans la science-fiction, souvent dans les cyborgs, les androïdes, c'est que la 3e loi, non, la 1ère loi, ou la, je me souviens pas, corrigez-moi si, au pire si je me trompe, mais, tu sais, c'est la loi, c'est qu'une intelligence artificielle, un robot, n'a pas le droit de blesser ou de faire quelque chose qui mettrait la vie d'un humain en péril. Ben, tu sais, c'est un peu ça, ces genres de lois-là, ça va être, peu importe l'application VR que t'as, tu sais, t'interagis avec quelqu'un, ben, si quelqu'un rentre dans un range de 2 pieds de ton avatar, ben, ça leur pousse automatiquement à 1,5 mètre plus loin, ça coupe le son, ça fait, tu sais, ils vont mettre des pis toi, André, c'est peut-être 2 pieds, puis Eric, ça va peut-être être 5 pieds autour. Ouais, pis, c'est 5 pieds. Tu peux le... Mais ça va être intéressant, tu sais, de voir justement, tu sais, qu'est-ce que les gens vont en faire. Parce que moi, je pense que, tu sais, aujourd'hui, je serais un étudiant en sociologie ou en anthropo. Mon trip avec le VR, ça serait de créer une pièce, puis que le monde peut join, puis là, t'as juste 15 personnes, puis je vous dis pas quoi faire, là. Faites ce que vous voulez, mais moi, je vous regarde, puis je prends des notes. Puis là, le monde, ils font quoi? Ils se parlent-tu? Ils se parlent pas? Tu sais, un peu comme Journey l'a fait, dans le fond, au PS3, dans le temps, où, pour les gens qui ont pas fait Journey, premièrement, va faire fucking Journey live là. Tu vas embarquer dedans, vas-tu me spoil? Ou... Non, je te spoil pas, c'est que tu croises d'autres personnes comme toi dans Journey, mais personne peut se parler. Fait que tu dois trouver une méthode de communiquer avec l'autre pour lui faire comprendre ce que tu veux. Fait que tu sais, tu vas peut-être croiser quelqu'un que lui, il se promène dans le jeu, puis il a fini le jeu, puis il connaît toutes les astuces. Journey, c'est un jeu multijoueur? Attends, c'est-tu Journey? Non, le... Oui, c'est Journey, mais c'est pas multijoueur. Mais c'est pas multijoueur, c'est que tu croises des gens dans le jeu. C'est d'autres gens qui jouent, c'est quoi, ouais, tu croises? D'autres gens qui jouent en même temps que ça. Ça, c'est bien, ça, c'est cool. Fait que tu sais, sauf que tu peux pas parler. Fait que tu peux juste, comme, sauter, faire des, je pense que tu peux faire des petits bruits. Ouais. Mais that's it. Fait que les gens ont trouvé des méthodes de faire genre, aide-moi, puis là, le monde, OK, je vais te montrer c'est où. Parce qu'ils voient que t'es perdu. Fait que, moi, cet aspect-là, je trouve ça cool aussi parce que c'est, j'ai jamais vu ça. Je pense que toutes les fois que j'ai joué, j'ai pas eu cette expérience. Ben, c'est peut-être pour ça que t'as pas aimé le jeu, parce que connaissant, t'aurais trouvé ça. C'est une partie qui est le plus intéressant du jeu. T'aurais droppé à manette, t'as connaissant Eric, t'aurais fait comme wow. Puis là, t'aurais repris à manette, puis tu serais rembarqué. Tu sais, t'aurais juste comme, t'aurais compris ce moment-là, tu l'aurais apprécié, puis c'est ça qui t'aurait fait enjoy the journey. Non, mais je l'ai là, j'ai acheté la version HD. Remastered au PS4. Tout ça dans la friendlist à Eric là, qui allez popper l'année. Dans sa game, allez jouer à Journey avec lui. Tu peux-tu join, si tu vois quelqu'un qui joue, tu peux-tu la... non en fait c'est que c'est aléatoire, c'est t'es dans ton tableau, puis si quelqu'un est dans le même tableau que toi au même moment, tu vas le croiser. Et puis imagine Journey en VR. Non je dis aucun punch, faites-en pas. Imagine Journey en VR a été... Ah, oh, shit, Sony, ils vont me faire acheter Journey encore. Encore. moi, je n'ai une question. Parlant de Sony et toutes leurs affaires qui vont sortir, il y a aussi Xbox qui vont sortir le HoloLens. Je sais que c'est pas du VR, là, c'est la réalité augmentée qui dit. C'est une réalité mix, là, c'est ouais. VR et... Toi, ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça un peu? Si tu es totalement de la merde, t'es vendu VR ou c'est intéressant? Y a-tu possibilité comme de de que les deux vivent. Mais en fait, le HoloLens aussi, ça le tue, il faut que tu l'expériences pour le comprendre. J'imagine c'est, que oui. Moi, je l'ai pas essayé, fait que je peux pas juger, mais de ce que j'ai lu des gens qui l'ont essayé, c'est vraiment, c'est incroyable. Ah ouais? C'est vraiment capoté. Je sais pas si les gens ont vu la démo de Minecraft. Ouais, je l'ai vu. T'as ton mode qui apparaît sur ta table de salon et tout. C'est capoté. Mais là, la limitation que tous les gens qui l'essaient disent, c'est que comme c'est sans fil puis que tout le processeur, tout est dans le casque, ben, veux pas, c'est limité. Donc, le FOV, le champ de vision est limité. Fait que c'est peut-être 30%, c'est peut-être 30 degrés que tu vois. Fait que le reste, tu vois la réalité, tu vois pas le... Mais la réalité augmentée est déjà présente, puis je pense que c'est bien essayé. Tu sais, je vous donne un exemple. Cette semaine, on a eu le droit d'avoir le premier footage de Pokémon Go. Ouais. Puis, tu sais, là, on peut voir un peu comment... Parce que, selon moi, la réalité augmentée puis la VR, tu sais... Moi, je crois à la réalité augmentée dans des domaines comme Ingress, Pokémon Go, etc. Puis c'est une compagnie qui, finalement, ils ont catché comment ça marche, parce que c'est eux autres qui sont pas mal à la tête de tout ça. Mais... Le HoloLens, je crois que ça pourrait être quelque chose de bien pour rajouter à la vie commune. Mais le VR, c'est de se sortir de cette vie-là puis le ramener. Tu sais, les technologies de réalité augmentée, je trouve ça cool parce qu'à la limite, là, depuis que je suis kid, tu sais, tout le monde est pas mal allé au Dark Zone ou Laser Quest au moins une fois. Là. Si vous écoutez le podcast, vous êtes geek un peu ou vous avez des affinités avec nous, vous avez probablement joué au Laser Quest une fois dans votre vie. Mais tu sais, un HoloLens de Microsoft, là, aller jouer justement à un jeu comme un Laser Quest avec ça, que là, oups, ça te rajoute un HUD, ça te rajoute des affaires, tu vis une expérience additionnelle, c'est cool. Pokémon Go avec un HoloLens, justement, c'est que là, fou, les Pokémon, tes voix, tes attrapes, c'est débile. Mais tu sais, il y a une autre chose aussi, puis t'apportes de quoi. Tu sais, il y a un statement qui a été fait par IBM il n'y a pas longtemps. Pour ceux qui sont un peu plus tripeux d'animation japonaise, IBM qui se sont commis de faire un Sword Art Online. C'est une démo. Puis, tu sais, là, ils ont commencé à faire une démo, des affaires de main, pour montrer les possibilités. Mais ils feront là. Pas au complet, là. C'est vraiment juste une démo, là. Ils feront pas le monde au complet. Mais la possibilité de ça, tu sais, moi, quand j'ai vu ça, premièrement, j'ai fait, OK, vont-tu faire le vrai Sword Art Online que t'es pris dedans, puis si tu meurs, tu meurs pour vrai, ou... Mais, tu sais, juste le fait d'avoir fait une démo de même, je trouve que c'est là que tu comprends c'est quoi du vrai VR. Parce que, tu sais, c'est le vrai VR puis la réalité augmentée va aller chercher deux personnes, selon moi. La personne que, pour elle, vivre d'un château ou aller voyager d'autres choses, elle s'en calisse. Elle veut juste que, mettons, dans son quotidien, ça soit inspiré de sa vie puis qu'on rajoute un petit quelque chose. Que quand je rencontre Eric, ben là, j'ai son pedigree à côté, j'ai ses derniers statuts sur Facebook. Puis... Fait que tu sais, ça, je pense que ça va aller chercher cette clientèle-là qui était un travail au Best Buy. Ben, tu sais, la réalité augmentée, dans le fond, pour moi, là, cette Glass Hole qui était sortie il y a une couple d'années, là, le gars avec son Google Glass, là, que tu sais pas s'il prend une photo de toi, tu sais pas s'il est en train de te googler mais ou s'il écoute du porn. Si tu te promènes avec ton téléphone puis que tu pourrais même prendre chose. Une photo de quelqu'un, là. Fait que, tu sais, cette clientèle-là ne cherche pas un peu un échappatoire au quotidien, tandis que... quand la photo est prise, mais le gars, il te fixe, tu sais, puis il clique des yeux pour essayer de prendre la photo, puis des affaires... Comme moi, prendre des photos de personnes dans le public. Google take photo, puis quelqu'un te fixe. La réalité augmentée, dans le fond, là, c'est le monde qui veulent pas d'échappatoire. C'est qu'ils veulent rester où ils sont, puis augmenter qu'est-ce qui se passe. Ça dépend de la situation dans laquelle t'es. Tu peux pas prendre le métro avec ton... Ben oui, tu peux, mais si t'es en train de marcher, tu risques de tomber. Ouais, mais c'est pas le but du VR. Ben c'est ça, la situation. Je pense que... Parle de Google Glasses. Non, mais moi, je parle de réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est quelqu'un qui veut pas se détacher du... C'est là. C'est que ça augmente qu'est-ce que tu veux présentement. C'est quelqu'un qui veut augmenter sa réalité. T'as d'autres choses de plus. Fait que tu sais, dans un terme de gaming, ça rajoute des choses. Dans un terme informatif, ça donne accès à de l'information. Mais c'est pas quelqu'un, mettons, qui fait « Hey, ça serait comment marcher sur Mars? » Puis qui veut vivre ça. Fait que tu sais, la limite un peu entre ça, c'est que, dans le fond, le VR, pour moi, c'est vis qu'est-ce que tu pourrais pas faire d'habitude. Ouais, ça, c'est hey, imagine-toi, t'es quadriplégique, tu te mets un casque sur la tête, puis t'es rendu au Taj Mahal, justement, puis t'aurais peut-être jamais pu aller là. T'es quadriplégique au Taj Mahal. Ben oui, mais tu sais, là, ils peuvent mettre un simulateur, tu peux contrôler ou peu importe. Tu sais, gars, j'ai vu un gars, là... en train de courir à l'entour du Taj Mahal. Tu sais, fait que... C'est pour ça, moi, je trouve ça phénoménal. Ou ben, tu sais, tout simplement, hey, ça aurait été quoi d'explorer Jurassic Park, justement, que vous avez vu tantôt? Ben, vous étiez à Jurassic Park. Ça n'existe pas, là. Mais vous l'avez fait, tu sais. Non, ça existe. Ça existe pour moi maintenant, ça l'a existé. Voilà. Ben, tu l'as vécu comme ça existait. Ben, c'est la puissance mais du VR, justement. Ça... Moi, c'était surtout un côté cohabitation, dans le sens que, penses-tu que les deux vont pogner? Ou il y en a un qui va tuer l'autre carrément? Puis d'après moi, s'il y en a un qui tue un, c'est le VR qui gagne. Les deux vont fonctionner ensemble. Je pense que les deux vont fonctionner. Dans la journée, tu vas avoir ta réalité augmentée quand tu rencontres les gens, quand tu es au travail ou à l'école. Puis le soir, pour ton divertissement, tu as besoin d'un échappatoire. Mais là, tu vas aller en réalité virtuelle. Puis... Mais justement, tu parles et d'échappatoire. Tu sais, il y a beaucoup de films et de livres de science-fiction qui ont abordé le sujet, mais crois-tu que... tu sais, je vous donne un exemple. Dans Star Trek, c'était le meilleur exemple. Dans Next Generation, avec le nom du personnage que j'ai oublié, mais qui était rendu dépendant à la réalité virtuelle. Fait que lui, là, le holodeck, là, il vivait dedans, puis il s'était fait son univers... Puis quand il sortait de son holodeck, dans le fond, c'est là que pour lui, c'était plus la réalité. Il doit y avoir des débats philosophiques là-dessus déjà qui existent. T'en as déjà dans le jeu vidéo. T'as déjà des gens qui sont addicted, qui jouent à WoW pendant je sais pas combien d'heures. Les Coréens, qui les gens qui oublient leurs enfants. Ouais. T'as déjà ce problème-là. Pourquoi est-ce que ça serait nécessairement... Est-ce que ça va être nécessairement plus répandu en réalité virtuelle? Il y a aussi, genre... je sais pas si vous l'avez vu, ça. C'est comme un paquet de feuilles... que quand ils sont ensemble, il y a bien des mots dedans, mais quand les gens ils s'installent pour lire toute une histoire qui est créée dans ces affaires, que je pense que ça s'appelle des livres, son perk est là, man, pour 3 heures. Ah oui, ou ton cellulaire que t'es stické dessus pendant 3 heures à texter ou à chatter avec tes mais amis. Mais crois-tu, par contre, que l'immersion va avoir un impact là-dessus? Je Absolument. Me fais l'avocat du diable un peu. Tu joues à World of Warcraft, quand tu regardes devant toi, tu vois l'écran, mais quand tu regardes à droite, tu peux voir... La pluie, le beau temps, la pile de lavage, peu importe. Mais là, t'es dans le VR, tu vois au travers des yeux de ton personnage. Est-ce que l'immersion peut augmenter la dépendance? Absolument. Et moi, en plus de ça, je pense que ça va être bien plus le fun de le faire, ça, wow, en VR-là, quand mon lavage puis ma vaisselle va être faite. Mais ça va être comme n'importe quoi. À un moment donné, ton cerveau va s'habituer, puis tu vas commencer à dire, ben, OK, je suis tanné, je vais arrêter. Puis comme au début, cinéma, il y a probablement bien du monde qui passaient tout leur temps là-dessus. Les jeux vidéo, on pouvait jouer... tu sais, le monde jouait je sais pas combien d'heures par semaine dans le temps aussi. Puis à un moment donné, tu deviens désensibilisé puis tu dis « OK, c'est correct, j'en ai assez. » Crois-tu, par contre, que on va atteindre un point à un moment donné où, pas légalement, mais moralement, les créateurs de contenu... Je te donne un exemple. On revient sur un WoW format VR. Tu sais, est-ce que le créateur de contenu, au même titre que l'industrie est en train de se réglementer elle-même en disant, ben ça c'est effrayant, fais attention, tu devrais pas jouer selon telle condition. Est-ce que la même industrie devrait par contre se préparer parce que ben la personne qui, tu sais, présentement il y a des gens qui sont morts à cause qu'ils ont carrément pas mangé ou peu importe. La personne ça fait 12 heures d'affilée qu'elle joue à WoW. Est-ce que d'un point de vue légal les compagnies peuvent être imputables là-dessus s'ils n'ont pas fait de move pour avertir. Nintendo style, là. Nintendo style. Hey, save donc ta game, tu vas jouer dehors, là. Non, à toi, 15 minutes, et te pop ça. En ce moment, là, Microsoft, les parents peuvent mettre, puis PlayStation, les parents peuvent mettre un timer. Ça peut être la même chose, là. C'est quoi la différence entre la réalité virtuelle, les jeux de réalité virtuelle, puis les jeux actuels? Ils sont meilleurs. Mais c'est le même, ça peut partir du même principe, ça peut être les mêmes choses qui s'impliquent. Oh, ouais, il va se perdre dans un monde fictif. Ce qui est drôle, c'est un peu ce que les gens qui l'utilisent, tu soulevais un bon point quand tu disais que quand tu joues à WoW, en ce moment, tu tournes puis tu vois la pluie, tu vas dehors. Mais là, il appelle ça le time dilation en français, je sais pas c'est quoi, c'est le passage du temps. Ouais, la dilatation du temps. Que tu joues à un jeu, puis là, tu sors, puis tu dis, hey, Krim, c'était cool, tu sais, c'est une bonne démo de 10 minutes, puis tout. Puis là, la personne qui fait la démo dit, non, ça fait une demi-heure que t'es là-dedans. Je dis, mais non, ça fait pas une demi-heure, là. Ouais, oh, ouais, c'est. Puis toi, ça a passé comme 10 minutes, mais parce que. T'es justement, heureux. Quand tu joues pendant longtemps, tu vois pas l'extérieur, fait que ton corps peut pas juger combien de temps ça fait que tu joues là-dedans. Puis dans le fond, c'est un gros traquenard, la VR, parce que t'essaies de truquer ton corps et ton cerveau à faire... Je suis pas à l'aval d'un sofa, là. Je suis sur Vénus en train de chauffer un Starship, là. Fait que, non... Mais y a rien qui pourrait t'empêcher d'avoir une horloge quelque part dans ton... Mais crois-tu que c'est la responsabilité des créateurs de contenu de faire ça ou la responsabilité de l'utilisateur de se réglementer lui-même? Mais la même chose pour les jeux vidéo. Moi, je pense que c'est l'utilisateur, personnellement. Comme il dit avec les jeux vidéo, c'est pas... Tu voudrais que les compagnies commencent à te limiter quelque chose? Moi, en fait, je veux tu rien. Veux pas, je lance le débat live, là. Je me dis, tu sais, la première personne, parce que, tu sais, on avait un peu, quand on a parlé avec Jean-Philippe, dans le fond, de la sécurité puis de l'insécurité, la première personne qui crève parce que ça fait 22 heures qu'elle joue au WoW virtuel, là, tu sais, à la limite, y a-tu une négligence légale qui pourrait être appliquée en disant, ben, regarde, votre jeu, là, justement, le time dilatation, il a été prouvé. Puis là, lui, ben, crème, le user, là, il se faisait 48 heures qu'il était là-dedans. Il a pas mangé, il a pas dormi, il a pas rien fait. C'est votre faute. Mais tu sais, c'est Darwin, ça, non? Peux-tu juste dire que c'est Darwin, ben, ça, qui oui, vient il y a de... du Darwin, mais c'est clair. Merci. Tu sais, avec ciao. Un produit comme ça, qu'est-ce qui arrive? T'as un petit manuel, puis ça dit ne pas utiliser pendant plus c'est de 3 minutes prolongées. Ça, c'est leur façon de dire, ben, t'as pas écouté les instructions, quoi? Tu peux pas me poursuivre. On va aller un peu plus loin. On enlève les instructions play warning, puis on laisse Darwin faire sa job. Non, mais t'as pas le droit, c'est comme je la sais qu'on a pas folle le droit. Qui a mis je son sais. Chat dans le micro-ondes. C'est pour voilà. ça que c'est écrit dans le livret, ne pas pour mettre ça votre chat là-dedans. Le café sur Mendo, c'est écrit, attention, c'est chaud. Oui, ouais, exactement. Je suis d'accord. Donc, ma question, c'est, est-ce que pendant ta séance de jeu, maintenant, ça devrait faire « Hey, va donc te coucher, puis save ta game. » Hey, à China, là, comme toi, là, je dirais. Mais pourquoi ça serait pas toi qui l'aurais seté comme ça? Ben, écoute, c'est un débat qui est intéressant. Parce qu'on s'entend que Nintendo, c'est gosse en crise quand ça part. Nintendo, moi, ils n'ont pas mis de voice chat dans Splatoon pour être sûr que tu t'insultes pas. Mais oui, c'est des Nintendo, là. Alors... Pussies, excusez. Mais c'est le. C'est nous autres qui devraient se limiter en à nos affaires. Nintendo, rest in peace, Wii U. Puis, ouais. Allegedly. Pas... Non, mais ils ont fait un commentaire. C'est ça, je dis allegedly, là. Exactement. Mais je pense qu'on a eu des bons sujets ce soir. Jean-Luc, y a-tu quelque chose qu'on n'a pas mentionné sa VR que tu aurais voulu mentionner? Ben en fait, on parlait au début de qu'est-ce qui s'était passé dans les deux dernières années, puis qu'est-ce qu'il y a comme technologie. Ça a tellement avancé. Là, pour l'instant, on a seulement le casque puis les manettes un peu qui peuvent traquer les mouvements de nos mains. Mais là, il y a plein d'autres choses qui s'en viennent. T'as des soutes que tu vas porter qui vont traquer tous tes mouvements complets, tes jambes, tes bras et tout. Donc, quand tu joues à Star Wars avec le lightsaber, ben là c'est ton corps complet qui va se déplacer dans l'environnement puis que c'est tes mouvements parfaitement qui vont être trackés. T'as aussi ça c'est drôle parce que Samsung récemment ils ont annoncé des écouteurs que tu vas porter puis en arrière de l'écouteur à peu près sur ta peau tu vas avoir des électrodes qui vont t'envoyer des mini chocs électriques. Oh. Pourquoi? Ça s'appelle la stimulation galvanique ou je sais pas c'est quoi le terme en français mais ça joue avec ton oreille interne puis avec ton sens de l'équilibre. Donc, en faisant passer... Fait quand la bass, elle drop dans ton Skrillex, tu tombes à terre littéralement. Genre. Fait que... What the fuck? Ouais. En mettant un j'ai micro... Ton liquide. Ouais, c'est pas quelque chose qui peut accidentellement short-circuit. Au bon endroit, tu peux penser que, oh, tu penches vers la gauche, tu penches vers la droite. Fait que dans les trucs comme dans les simulateurs de course d'auto, ben là, quand tu fais un virage, tu vas vraiment sentir ton corps que tu es en train de tourner. Fait que Project Cars prometteur. Fait que t'as ça, t'as pour les mains des gens, parce que pour l'instant, t'as les manettes, mais c'est pas aussi fidèle que... C'est pas tes 10 doigts des qui sont trackés nécessairement. Ouais, t'as ça, ou t'as des caméras stéréo qui sont capables de reconnaître tes mains, ton squelette, et là, c'est vraiment tes mains que tu vois. Mais là, caméra stéréo pour Jocelyn Sorel, là. C'est quoi? C'est que ça voit la profondeur, une caméra stéréo? C'est que un peu comme la Kinect qui est capable... Fait que t'as la... C'est deux caméras, puis okay. Là, en voyant les deux, il est capable de déterminer la profondeur de où est-ce que ta main est par rapport à ta tête. Fait que Kinect est une technologie précurseur, dans le fond. En fait, elle est encore, puis c'est Kinect utilisé pour plein de projets. Et Vision aussi, puis tout, il te voit ton corps. Tout. Mais il paraît que Kinect ne voit pas au travers du plomb, par exemple. Ah, j'ai pas essayé. Ouais. Mais fait petit à petit, là, pour l'instant, c'est la vision puis les mains. Mais éventuellement, il y a tous les autres sens qui vont se rajouter au fur et à mesure. Pour que ça soit pas seulement ce que tu vois, puis ce que tu entends, mais aussi ce que tu touches. Puis en parlant de choses que tu touches, il faut qu'on mentionne des accessoires intéressants aussi. J'aimerais mentionner le genre de flashlight que tu peux mettre, qu'en plus que quelqu'un, l'autre bord de la caméra, touche un autre flashlight, puis ça contrôle ta flashlight. Ça fonctionne bien. La flashlight. Bien, je sais pas, mais j'ai vu du monde, il y a des on vidéos. On revient tout le temps en porn, hein? C'est parce que la porn, pour ça, c'est très important. Fact. Puis c'est ça. Pensez-y. Écoute, c'est... Oui. Puis dans les autres technologies aussi, un peu comme ce qu'Éric aime bien utiliser, le face swap, que là, oui. C'est des expressions faciales éventuellement qui vont se transformer sur les expressions faciales de ton bonhomme dans le jeu. Fait que quand tu souris, ouais. Quand t'es fâché... Fait que John Travolta pourrait changer sa face avec Nicolas Cage... puis ça serait tout. Finalement, PlayStation VR idea face off the game. Ouais. Fait que quand tu joues à WoW, admettons, mais là, le bonhomme qui est devant toi, ton ami qui est devant toi, ben là, tu sais s'il fronce le sourcil, si. Ça va être pratique pour le poker puis pour les tells. Ouais. Fait que t'as plein de. T'as plein de trucs qui est de plus en plus pour amener le joueur au complet dans son jeu. J'ai hâte. Ça, je te dis, je trouve que je suis pas si vieux que ça. Tu sais, j'ai 37. Puis je sens que mes années qui vont venir au niveau du divertissement, je vais vivre quelque chose que même moi, j'ai pas pu imaginer qui était pas arrivé dans mon futur. Mm. Puis je me sens, tu sais, statistiquement parlant, avec de un, le combat de sperme, de deux, la création de la planète, de trois, tout le reste qui m'a fait arriver ici. Il y a juste moi qui est troublé par le combat de sperme. Quoi? La course de sperme. Ah, il y avait, non, il y avait du dirty shit qui s'est passé. Je veux juste dire, là, c'était des combats assez intenses. T'as eu vraiment le moment de malaise où Wolf Milters a fait comme, quoi, combat de sperme? Fait qu'avec tout ça, je me trouve très chanceux de je vais vivre mes quarantaines, cinquantaines et ma retraite. Et moi, dans un... Je pense qu'on est la première génération qui a hâte d'être placée. Hey, moi, là, c'est-tu quoi? Moi, je calme la chatte live, là. Oh, Internet est placé. On a eu Second Life, on a eu IMVU. Second Life est encore là. PlayStation Home. Puis là, on a PlayStation Home qu'on a eu. Puis là, on a du Gear VR, du Gear qui s'en vient avec le kit. Moi, je tiens juste à dire Most Interesting Sex Dungeons Ever. Ah, ça va être drôle. Ça va être assez intense de voir. Un autre .com, tu devrais acheter ça. Most Interesting Sex Dungeons Ever.com. Non, mais c'est juste parce que on dirait que plus le temps avance, c'est con à dire, mais j'ai eu cette réalisation-là il n'y a pas très longtemps. Chaque avancée technologique amène un niveau d'acceptation de quelque chose de très dépravé. Fait que, tu sais, voulant dire, tu sais, c'est comme, regarde, le monde ont capoté quand Hustler est sorti dans les années parce qu'il y avait un magazine de porn. Puis là, c'est rendu que la porn est rendue encore plus freaky puis accessible sur le net, puis c'est rendu casual. Ou tu croises aussi, quelqu'un dans la rue avec un t-shirt de Brazzers. Puis là, après ça, tu sais, c'est comme... pas ce monde-là, j'habite pas là-bas. Tu vois, non, mais regarde, Montréal, ça s'est passé en passant. Shout-out à Métropole, je parle de vous autres. Il y a un métro qui se rend de Laval à Montréal à cette heure-là. C'était à Montréal, ça s'est passé. Je pense que les cams viennent de geler. Ouais, fait qu'on a perdu la caméra. Des drop frames au bout. Pas grave. Ah, il y a un stream de Netflix. Non, ça, les frames sont pas droppés, c'est juste la cam qui a figé, fait qu'on est correct. Mais... c'est ça, fait que voulant dire, tu sais, dans ma tête à moi, je vois ça, parce que toi, tu parles de quand tu vas être vieux, tu vas te faire placer, puis tu te le quittes. Mais tu sais, dans un old age home, tu sais, je vais être content avec une petite salle. Il y en a déjà, il y a des centres qui jouaient à Wii Bowling, là, qui étaient bien contents. Mais où je veux en venir avec ça, c'est que tu sais, juste pour ceux qui ont déjà fait un tour sur Second Life, ou qui sur IMVU, ou whatever, ou que tu rentres dans une room, puis c'est genre, t'as du monde qui simule qu'il faut en train d'avoir une discussion sur le issue 48 de Spider-Man, pis c'est fucking acceptable, pis c'est normal dans fucking Second Life. Mais là, rajoute la touche réalité virtuelle ou tout le kit. J'ai l'impression que, tu sais, autant qu'il va y avoir, tu sais, le monde socialement acceptable dans le VR, mais il va y avoir du deep, weird, mais fucking shit. Comme Internet intense, en ce moment, t'as le deep web. C'est ça, mais comme fois mille. Je peux te dire de quoi? Ça, c'est, ça va être un des, c'est un très bon échappatoire pour bien des gens qui peut-être ferait des affaires fuckées à l'extérieur, mais maintenant ces genres d'échappatoires fuckés là va être vomi chez eux tout seul. Tu l'avais dans Minority Report là, à un moment donné, il va dans un club puis t'avais du monde qui tuait leur patron puis yes. Mais ça c'est fucké. Puis c'est fucké, mais c'est comme c'est quoi la différence entre on l'imagine des fois, j'imagine pas tuer mon boss, mais t'imagines des affaires fuckées. Ouais, mais de là à le vivre. Créer une technologie qui te permet de vivre que tu tues quelqu'un. Tu le vis pas, c'est simulation. J'ai hâte. C'est simulation. Ça va être la fin. OK, là, la question, c'est est-ce que le dude qui tripe sur fourrer des cock-doodle chiens petits ou whatever... Je pense que c'était child-fucking. Non. Si tu t'en allais là. Je m'en allais pas là. En fait, le geek collectif se dissocie de tous les commentaires. Non, mais en fait, c'est une discussion qui est importante. Mais c'est une discussion qui est importante à savoir. Rating. Mais j'utilisais le chien comme exemple. Je voulais pas aller dans cette direction-là. Est-ce que mais c'est la personne qui... viole un fucking bébé qui est illégal au Massachusetts. C'est illégal juste au Massachusetts. Mais ben, est-ce que cette personne-là, c'est un victim? Est-ce que c'est un victimless crime? Fait qu'il y a personne qui se fait mal là. Mais effectivement, tu sais. Mais si il n'y a pas de juvénile qui a été. Mais imaginez-vous juste à, entre nous autres présentement. Non, mais c'est ça. Les portes qu'on a ouvertes, les discussions qu'on a. Puis imaginez-vous ça dans 10-15 ans où ça va aller. Moi, je trouve le sujet de ce soir il était extrêmement intéressant. Ça a été vraiment plaisant de pouvoir discuter avec vous autres là-dessus, les boys. J'ai hâte de m'acheter ça. J'ai hâte de pouvoir m'acheter ma PlayStation VR ou mon Oculus ou peu importe, tout dépendant de combien de milles je veux pitcher sur mon ordinateur. PlayStation VR, j'ai hâte au porn dans le VR. Pas le porn fucké qu'on vient de parler de, là. Du bon porn. Lui, il a pas hâte au porn fucké, il a hâte au bon porn. Ouais, moi, c'est du bon porn, man. Pas de poodle. Du bon porn américain. Ah, très américain. Avec des aigles. Très américain. Très américain. Make America Great Again. Jean-Luc, merci d'avoir été avec nous autres ce soir. Ça m'a fait plaisir. Merci toujours beaucoup. Un plaisir de jaser avec toi. Les gens qui voudraient te rejoindre ou jaser VR avec toi, tu fais encore les meet-up, je pense, à Montréal. Oui, MTLVR sur meetup.com. On en fait un par mois. D'ailleurs, le prochain qu'on fait, c'est mardi le 3 mai. On fait une soirée gaming au Gameplay Space. Fait que ceux qui en ont acheté, ceux qui l'ont reçu vont emmener leur Oculus Rift. Et on va initier les gens qui l'ont pas essayé encore, ceux qui veulent essayer le Rift, qui ont pas les moyens. Rift, là. Ouais, j'aime le Rift. J'aime le son du. Venez essayer le Rift. Tu sais, le Rift, c'est la falaise. Tu sais, c'est comme le nom est bon. Le marketing est bon là-dessus. Là. Puis n'importe qui peut y aller. Là. N'importe qui peut y aller. On va faire. C'est gratuit. C'est gratuit. On va faire essayer les jeux. Ajoute des consommations si c'est dans un bar. Non, c'est pas. C'est Gameplay Space, c'est un espace de travail coopératif de jeux vidéo. Là. Un genre de comme le labs là, il y a c'est comme un sweat tank ou un short coworking. Mais c'est cool. Fait que dans le fond les gens vont sur meetup.com, puis c'est MTLVR. C'est ça. Puis les gens qui voudraient jaser avec toi Jean-Luc, on te rejoint où? Sur Facebook Jean-Luc Labelle, sur Twitter JL Labelle. C'est pas mal les canaux que je regarde. Merci d'avoir été avec nous autres. Rick, les gens qui veulent te jaser, ils t'accrochent où? Montréalien sur Facebook, ça va aller à mon profil Facebook, Eric Hébert. Tu peux toujours m'appeler au 514-521-2900. 2900. Ouais. J'accepte des textes. Les appels, si vous avez de quoi intéressant à dire. On s'entend. Si on va te voir, à ta boutique, est-ce qu'on peut faire des selfies avec toi? Absolument, je reçois beaucoup de... Je reçois des creep selfies de personnes qui passent en avant du magasin des fois. C'est toujours le fun. Allô, Pierre Boulanger. Non. Milter, les gens qui voudraient te rejoindre? Sur PSN et Xbox Live, Milter187. C'est la même affaire, je pense, sur Instagram. Zombie Milter sur Twitter et Facebook en temps normal. Perfect. Les gens qui voudraient interagir avec moi, mon nom, c'est André Paquette. Vous pouvez me rajouter sur Uzumaki QC, sur Instagram, PSN, Xbox Live, Steam, peu importe. C'est même mon Gmail. Fait que dans le fond, Uzumaki QC, vous recherchez ça et vous allez me retrouver. Pour les gens qui aiment notre humble balado et non humble, ça nous fait un plaisir de faire ça avec vous depuis plus de 75 épisodes de ce soir. Ça fait plus de 3 ans. On est rejoignable sur facebook.com/geekcollectif, le podcast, @geekcollectif sur Twitter, podcast@geekcollectif.com pour questions, commentaires, courriels, le www.geekcollectif.com. Mais on veut vous laisser sur une note positive. Vous avez aimé le contenu, vous aimez le contenu québécois, ben allez sur patreon.com. Vous allez trouver Geek Collectif, le podcast là-dessus. On accepte vos dons qui nous aident à continuer ce charmant podcast qui vont nous aider à avoir de l'équipement de qualité qui nous empêche d'avoir des fuck-up audio et du laptop gate. Et surtout, ça nous aide à savoir qu'il y a des gens qui aiment le petit podcast qu'on fait puis qui nous aident à rester en vie. Vous pouvez également nous soutenir via une cote de 5 étoiles ou plus sur iTunes. Et laissez un commentaire, on aime ça lire les commentaires quand vous nous laissez des cotes. Invitez les gens à liker notre page Facebook. Venez jaser avec nous autres. Le but du collectif, c'est une grosse communauté, puis on fait ça avec vous autres. Oui, OK, c'est nous autres qui parlons dans les micros, mais c'est juste pour avoir du fun avec vous autres, puis jaser, puis on découvre des belles personnes, puis des belles passions également. Puis même s'il y a des fois des Patreons, ça fait juste donner des minces retours, comme M. Laramé a dit dans son article dans Branchez-vous. Le petit, ça compte. Qui ça? Chaque scène est importante pour nous. Un article. On en parlera après, mais de dropper cet article-là que j'ai lu sur le podcast. Ben, c'est sûr et certain que, tu sais, on fait pas des millions, en fait, même on est déficitaire de notre projet, mais le but, c'est de s'amuser, puis on fait ça de bon cœur. Donc, chaque sou que vous nous envoyez est important à nos yeux. Donc, guys, merci beaucoup à tous ceux qui sont sur Internet. La caméra figée de notre bord, donc on sait pas si ça fonctionne du vôtre. Et sur ce, on se retrouve dans... Ben, en fait, on enregistre la semaine prochaine avec Guillaume et Alex. Special! Donc, guys, merci à vous et passez une belle soirée. Ciao. 3 ans qu'on fait ça. Moi, je dis 10 à tout le monde. J'arrondis, genre.